No Limit. 20h-23h, c'est Mickaël No Limit. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Là, ça y est, 20h tout pile et nous sommes en direct. Ouais, et ouais, c'est parti jusqu'à 23h, là, Mickaël No Limit. Bon bah j'espère que vous avez passé une bonne journée, hein, où vous soyez, France, Belgique, tout ça. J'espère que vous allez bien également là. En tout cas, ce soir, Sandro est au taquet. Hein? Pourquoi? Au taquet, puisque bah, elle va recevoir son nouveau gage de Pedro, le directeur d'antenne. Ouais, hein. Ça va. Si. Alors, il m'en a parlé tout à l'heure, on est au top. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là hier, elle nous a raconté une histoire tellement nulle, hein, faut dire quand même les choses. Hein, elle était que morte. Pedro, donc le directeur d'antenne de Fun, a dû sévir en lui imposant un gage. Gage qu'elle a refusé, et donc Pedro lui a dit: ok, bah alors demain je t'en propose un autre, si tu le refuses, je t'en reproposerai un troisième, et à partir de là, tu ne pourras plus refuser. Donc aujourd'hui, tu peux encore refuser, éventuellement. Ah ouais, d'accord. Mais, attention. J'ai peur, follow, s'il te plaît, donc, j'ai besoin de toi là. On attendra Pedro tout à l'heure, et puis on en saura plus, évidemment. Donc restez bien sur Fun Radio, ce sera tout à l'heure, donc pour le gage de Pedro. Et pour faire plaisir à Polo, on parlera également de galanterie et de qui doit payer l'addition au restaurant. Grande question que tout le monde se pose, ça a été un débat dans le bureau. Moi, je trouvais que c'était galanterie, effectivement, de payer à la fille. Top, disait ouais, mais non, elles sont blindées, qu'elles payent pour nous. Mais arrête un peu ton cinéma là. Et donc, du coup, voilà, donc c'était la question qu'on se posait, effectivement. Est-ce que la galanterie existe encore aujourd'hui ou pas? Venez nous en parler. Donc, 01 42 48 5000 et pour la Belgique, 02 851 4x0. On parlera également fidélité. Comme on n'a pas eu le temps hier là, de prendre vos réactions sur la méthode infaillible, sur ma méthode infaillible pour que votre copine n'aille pas voir ailleurs. On en parlera évidemment tout à l'heure aussi. On réécoutera bien entendu le chéri, je peux te faire cocu d'hier qui était juste énormissime. Alors pour ceux qui n'étaient pas là hier, bah, vous avez raté un grand moment. Hein, c'était ça. Allô, c'est quoi le bazar? C'est qui ce connard là? Pourquoi tu t'énerves, bébé? Ne t'énerve pas. Oui, je crois que ça y est. Bah justement, je croyais que ça y était là. On écoutera plus tout à l'heure, vous allez voir. Et comme on est mardi, on se fera également un jeu de la rupture. Je vous rappelle le principe, on appelle quelqu'un au hasard. Vous devez rompre en direct avec lui. Celui qui fait la plus longue rupture gagne et le champion incontesté, évidemment, de ce grand jeu n'est autre que moi-même. Écoutez bien, c'était la semaine dernière. Ciao. J'espère que son mari va pas écouter les messages en rentrant. Salut Sonia. Oh, 1 minute non. 16 ouais. Et oui. Et oui. Les supporters, voilà, c'est 1 minute 16, c'était le record. Donc, il est tombé donc sur le répondeur, hein. Non, c'est pour ça qu'il a gagné. Et je vois pas le rapport, hein, c'était pas dans les règles, il est pas dit que ça doit faire plus ou moins, enfin que ça doit être un répondeur ou quelqu'un en direct. Ouais. Ce n'était pas indiqué dans les règles. Voilà, donc si vous voulez participer, vous appelez Sandro maintenant, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Bonne nouvelle également, j'ai la vidéo des plus belles fesses du monde, hein, d'une lyonnaise sur le Facebook, je l'ai mise, hein, facebook.com/Mickaël officiel. Allez nous donner votre avis. Est-ce que vous trouvez que ces fesses sont bien les plus belles du monde ou au contraire vous trouvez qu'elles sont pas terribles ou qu'elles sont standards, peu importe. Et ben vous nous dites tout simplement facebook.com/Mickaël officiel. Et puis au standard il y a qui est avec nous, c'est Vicky qui est là. Bonsoir Vicky, t'appelles pourquoi? J'appelle pour réagir par rapport à la galanterie, en fait. D'accord, très bien. Virginie, 24 ans de Bruxelles, eh ben tu vas parler dans un instant de la galanterie, toi bouge pas de là. On aura aussi Eric avec nous là. Bonsoir Eric. Bonsoir. T'appelles pour quoi? Moi j'ai un gros souci que mon ex-amie me doit de la thune. Elle te doit de la thune? Ouais. Ton ex-amie, c'est-à-dire ta petite copine ou un ami? Non, ami. Donc il te doit de la thune aux États-Unis. Elle est énorme. Elle était pas mal. Bon bah Eric, on en parle dans un instant. Reste avec nous, on aura aussi Samuel, 24 ans de Nice. Bonsoir Samuel, t'appelles pourquoi? Bah moi j'appelle pour parce qu'en ce moment je suis avec une fille et depuis un mois et c'est assez compliqué comme relation car il n'y a rien d'officiel dans cette relation là quoi. D'accord, très bien, bah écoute, on va en parler dans un instant. Samuel, reste avec nous surtout là, ne bouge pas de là. Et puis on aura aussi évidemment le son d'Afrojack tout à l'heure là. Ça va débarquer dans pas longtemps ça, Afrojack avec As Your Friend. Afrojack et Chris Brown. Alors ce que je vous propose également ce soir aussi, le nouveau Lady Gaga. Que je vous avais fait découvrir hier en exclu sur Fun. Voilà, Lady Gaga avec Applause, hein. D'ailleurs Sandro il kiffe apparemment. Ouais, c'est Lady Gogol. Lady Gogol, oui, Sandro c'est Lady Gogol au standard et Lady Gaga c'est pour la musique. Voilà, et puis si vous voulez aussi, il y aura Calvin Harris là. Si vous voulez, il suffit de demander. Hein. Et puis peut-être Martin Garrix aussi là. Bon, et si vous voulez écouter un son en particulier, vous mettez le hashtag Mickaël et puis le son que vous voulez choisir, hein, celui que je vous ai fait écouter, enfin un de ceux que je vous ai fait écouter, ou peut-être un autre éventuellement. Hashtag Mickaël sur Twitter, d'ailleurs on salue hein, tous ceux qui sont connectés là ce soir sur le Twitter et sur le Facebook et sur Instagram également. Là, vous êtes nombreux connectés, donc allez-y, venez nombreux. Il y a Crazy Mofost qui dit vous êtes trop géniaux là, vous assurez trop grave, vous me faites trop kiffer, continuez, c'est super, que des bons moments, merci en tout cas, c'est gentil à toi. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Bonsoir mes petits lapins, bonne émission à tous, c'est Jessica là, il se joue ses problèmes excellent. Animaux, Jessica. Anaïs qui est là également, il y a Let's Be Freaks, il y a Romain également, et quelle adresse pour atteindre Sandro? Bah c'est sandro@funradio.fr. Voilà. Tu vois, on a décidé de vous mettre une attrape. Hein. Voilà, sandro@funradio.fr. Voilà. Voilà, c'est quand même assez compliqué. Hein. Et alors, il y a Kia qui est là également en pleine forme, et puis Arthur, Eric et tous les autres, comme d'habitude, connectés sur le Facebook. Et puis, je vous l'avais promis également, il y aura des places de foot ce soir, c'est le grand soir. Tirage au sort donc pour savoir lequel d'entre vous ira direction le Stade Roi Baudouin à Bruxelles pour assister au match qui opposera les Diables Rouges face à l'équipe de France. Et donc, si vous voulez tenter votre chance, facebook.com/mickaëlofficiel, venez vous inscrire. On fera un tirage au sort parmi les likers tout à l'heure, ou alors par SMS, ça marche également bien évidemment. On aura l'occasion d'en parler d'ici quelques instants. Les iPod Nano à gagner, ce sera dans le jeu de la rupture tout à l'heure. Et puis on aura aussi les casques DJ, vous choisirez évidemment, il n'y a pas de problème. Et puis ce soir, avant de prendre Samuel qui est avec nous là, Samuel, finalement là, tu nous avais appelé là avec ton problème de copine, c'est ça Samuel? Oui. En exclu total. Tu connais Stromae? Voilà, Stromae, Papa Outé, etc., etc. Eh bien, grâce à Stromae qui a décidé de diffuser quelques morceaux de son nouvel album gratuitement, j'ai trouvé une chanson qu'il a dédicacée à Polo. Ah ouais? Voilà, Polo qui est ici dans l'équipe, tu connais évidemment, hein? Oui, tout à fait, oui. Évidemment, et donc il a décidé de dédicacer une chanson. C'est pour bon, toi, Polo. À vous de nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous la trouvez bien ou pas? M'inquiète là. Vous riez tous et moi je ne rigole pas. Ça va venir, t'inquiète. Tu vas rire là. Bon, je vous mets pas le refrain, je vous mettrai le refrain après. Hein. Alors, écoutez bien, ça s'appelle Moule Frites. C'est Stromae. Écoutez bien. Attends, écoutez. Ce qu'il m'a dit, Polo, ou que son petit doigt lui dit plutôt, quand ce dernier se lève, c'est qu'une coquille de rêve est sortie de l'eau. Alors attendez le refrain, on est au top là avec le refrain. Et là il chante, Polo, Polo, Polo, Polo, Polo, elle m'appelait plus comme ça parce que je n'ai jamais mangé de moule de ma vie. Polo. En fait, je m'appelle Gérard. Tu vas prendre Gérard. Polo. Oh non, il est énorme. Quand je l'ai entendu, je me suis dit mais merde, c'est énorme. Il passe à table. Il boit toujours un verre de blanc. Voilà, si vous voulez qu'on vous le passe plus en entier, complètement tout à l'heure, hein, n'hésitez pas, le nouveau, c'est un extrait de l'album de Stromae avec Moule Frites, spécial dédicace à Polo, évidemment. Hein. C'est gentil, mais je m'appelle pas comme ça, en fait. Voilà, Polo aime les moules frites sans frites et sans maillot. Voilà, comme ça, vous le savez. Sandro, il kiffe, elle le met dans la voiture à fond, en rentrant. Putain, hein. À chaque fois, je vais penser à lui. Je vais l'entendre. Voilà, dites-nous si vous l'aimez ou pas. Le morceau hashtag Mickaël évidemment sur Twitter et puis sur Facebook aussi, facebook.com/mickaëlofficiel. Bon Samuel, t'aimes bien les moules frites toi ou pas? Moi, plus les frites. Ah, plus les frites, d'accord, ok. Donc toi, c'est pas moules frites sans frites et sans maillot, quoi. Voilà. Ah, d'accord, ok, je comprends. En plus, c'est bien, c'est la période et tout. Bah, c'est complètement, complètement. Bon Samuel, dans un instant, on va parler de quoi avec toi, dis-nous alors. Bah, moi, en fin de compte, depuis un mois, je suis avec une fille. Ouais. Je suis pas vraiment avec elle parce qu'il y a juste des échanges de bisous, de câlins et caresses et tout ça. Ouais. Il y a rien d'officiel, on en a parlé un petit peu. Et pour elle, pour l'instant, elle est pas prête de se poser. Et moi, du coup, ça me bloque parce que moi, j'aimerais bien me poser parce que j'ai bientôt 25 ans. Ouais, t'as dit donc t'attends, hein. Mec, 25 ans là, donc ça veut dire bientôt, donc t'as 24, donc c'est bon, t'as encore un petit peu de temps devant toi là. Ouais, mais voilà quoi. Et Parce que j'ai déjà commandé le monospace là. Il y a le chien qui nous attend au chenil. Donc moi j'aimerais bien faire une petite famille quoi. Non mais il y a une officielle et du coup ça me bloque après moi pour trouver une autre fille parce que celle-là j'ai des sentiments. Ah d'accord, ok. Donc en fait donc toi t'aimerais juste qu'elle te dégage une bonne fois ou qu'elle te dise ok c'est bon c'est officiel parce que comme là t'es en kiff sur elle et qu'elle te dit pas écoute j'ai pas envie de faire un truc officiel, du coup tu restes quand même au cas où elle change d'avis et à côté de ça t'es un peu emmerdé parce que t'as pas envie d'aller voir ailleurs parce que au cas où elle change d'avis tu préfères celle-là. Et puis par respect aussi. Ouais, d'accord, ok, je comprends. Bon, bah écoutez, dites-nous, tiens, les filles, les garçons, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en kiff sur un garçon ou une fille, et en l'occurrence que l'autre, en gros, vous dites oui, mais alors pas vraiment officiellement, enfin plutôt. Bon, ça va rester officiel que sous la couette, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, voilà. Donc vous envoyez votre message, n'hésitez pas. Vous appelez Sandro, hein, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0, c'est le numéro du standard pour la Belgique. Si jamais vous voulez nous appeler, vous tomberez évidemment chez Sandro également. Pareil également, donc avec les plus belles fesses du monde à mater là sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Évidemment, c'est une Lyonnaise qui s'appelle Laura qui a été élue avec les plus belles fesses du monde. Attention, donc allez voir, donnez vos avis justement, et puis plein de messages. Vivien, énorme la chanson de Polo M les moules frites là justement, tiens. Il y a Geoffrey qui dit ah du lourd le Stromae avec les moules frites, Denis qui dit trop fort les moules frites également, Jonathan qui dit il a du mal à assumer Polo là, mais non mais il va s'y faire, t'inquiète. Oui, c'est parce qu'il la connaissait pas encore. Mais voilà, c'est ça, ça vient de débarquer, donc là il est un peu perturbé, c'est pour ça quoi. Et puis Pierre Lely aussi qui dit salut l'équipe, vous êtes des beaux gosses de la radio, vous gérez toutes et tous. Bah c'est gentil Pierre Lely. Bah bougez pas de là sur France Radio, je vous cale dans un instant le son de Afrojack et Chris Brown avec As Your Friend. Allez, ça va arriver dans un instant. La bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limit. On est en direct jusqu'à 23h. Bah alors pourquoi ça marche pas notre truc là? Il y a un problème. Sandro. Ah si, ça fonctionnait mais ça marche. Attends, mais... Non, mais c'est Sandro qui a tout foutu en l'air. C'est pas possible. Encore. On recommence. Bah non, il veut pas démarrer. Pourquoi il veut pas démarrer là? Oh là là. Ah bah là ça démarre. Le contrôle. Bah, là qui marche plus. 01 42 48 5000. Good morning. Tous les matins. Good morning. C'est la ligne anti-relou de l'été. Le principe est simple, dès que vous croisez un relou, vous lui donnez ce numéro 06 34 62 26 28 et tous les matins on écoute ensemble les meilleurs messages. Oui, allô, je comprends pas pourquoi est-ce que tu es parti quand je t'ai dit que je refusais de m'épiler. Message de Forêt Vierge ce matin. Rendez-vous demain 6h40, 7h40 et 8h40 sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Tous les soirs, 20h-23h. Mickaël, No Limit. Sur Fun Radio. Et on est en direct, ouais, sur Fun Radio là, avec tous vos messages évidemment qui arrivent en direct au 01 42 48 5000, où que vous soyez en France, bah venez nous appeler. Et puis attention aussi, puisque j'ai les deux dernières places à vous offrir pour le gros match qui aura lieu, ça se passera à Bruxelles demain soir au stade Roi Baudouin, puisque c'est l'équipe de France qui va donc affronter les Diables Rouges. Et donc bah si vous supportez l'équipe de France évidemment, si vous supportez les Bleus, bah il faudra aller défendre les couleurs là hein, demain en Belgique. Donc bah allez-y, les places à gagner maintenant. facebook.com/mikaelofficiel. On fera un tirage au sort avant 23h parmi les deux gagnants. En tout cas, je vous souhaite évidemment bonne chance. Et puis on va se faire aussi le retour de Samuel. On aura la galanterie avec Yass et Vicky là dans un instant. On va en parler évidemment, puisqu'on en avait parlé en début d'émission. Est-ce que la galanterie ça existe encore justement? Est-ce qu'il y en a qui doivent est-ce que les mecs doivent encore payer l'addition? Est-ce que c'est plutôt une fois sur deux? Est-ce que c'est plutôt les filles? Bref, on en parle ce soir. Et puis on va s'écouter maintenant sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit, le son d'Afrojack et Chris Brown. C'est As Your Friend sur Fun. La bonne soirée tout le monde. C'est Fun Radio avec Afrojack à l'instant sur Fun. C'était As Your Friend. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900. Bah, et restez là aussi, puisque dans un instant je vous cale Daft Punk, un morceau qui vous a bercé tout l'été là, et que vous aviez découvert sur Fun aussi d'ailleurs. Voilà, Daft Punk avec Pharrell dans un instant. On sera Get Lucky sur Fun Radio. Et puis dites-nous si vous voulez écouter aussi le nouveau son de Stromae là. Voilà, Polo aime les moules frites. Sans frites et sans maillot. Écoutez le refrain, attention. Polo yo, Polo yo, yo. Voilà, nouveau son de travail. Il est à télécharger gratos sur iTunes si vous voulez. Ils l'ont mis, il l'a mis à télécharger cette nuit, donc c'est là que je l'ai vu. Voilà, le Stromae avec moule frites. Bon, mais il y a Jonathan aussi qui dit la galanterie au début, ok, mais après, c'est à la fille de ne pas être trop vénale et de ne pas en profiter non plus. Juju aussi sur Twitter qui dit la galanterie d'un côté, ça rabaisse les femmes comme si on n'avait pas les moyens de payer ou qu'on était des êtres fragiles. Et puis Jessica qui dit un gage pas trop dur pour Sandro, s'il te plaît Pedro là. Ouais, mais t'inquiète, on va le prendre. On aura notamment normalement, pardon, Pedro, là, le directeur d'antenne, qui passera nous voir pour le gage de Sandro dans quelques instants. Bon, Samuel. Oui. Bon alors de retour Samuel qui nous avait appelé donc parce que il flirte avec une fille depuis un mois, c'est à peu près ça hein, et oui. Sauf que la fille en fait, elle dit que ça doit pas être officiel, qu'elle a pas envie de se mettre avec un mec officiellement. C'était ça ton problème? Ouais, exactement. D'accord, OK. Bon, et donc du coup, bah toi forcément ça te perturbe parce que je peux concevoir. Et donc tu nous disais ouais, mais je sais pas du coup quoi faire, est-ce que je dois la virer, est-ce que je dois pas la virer? Et puis il y a Sandrine qui est là maintenant de Tarbes. Salut Sandrine. Salut. Comment ça va? Ça va, merci. Bon, hey, juste avant de parler du problème de Samuel, toi, t'es pour ou contre la galanterie, là? Est-ce que les hommes doivent payer l'addition? Ben oui. Oui, quand même, un peu. C'est à l'homme. L'homme, c'est l'homme. Donc, il doit faire. Il doit payer, quoi. Ah, tu trouves que mais c'est... Mais... Pas tout le temps. Ah, bon. Voilà, c'est ça. Ouais, donc, pas tout le temps, ouais. Il y a donnant. D'accord. Non, mais très bien. Je suis d'accord. Non, mais ils avaient fait une étude encore, un truc, là. Et apparemment, donc, ça démontrait que sur 17 000 hommes et femmes démontrent justement que la galanterie prévaut toujours au moment de régler la note. Alors, 84% des hommes et 58% des femmes rapportent que les hommes, donc, payent le plus souvent, même après plusieurs mois de relation. Et donc, apparemment, ils disent aussi dans l'enquête que les femmes proposent toujours de payer, mais qu'au fond d'elles, elles espèrent quand même que le mec va insister pour payer. Ouais, moi c'est pareil hein. Voilà. Non mais c'est vrai. Je payer, mais au fond de moi j'ai pas envie. C'est vrai, c'est vrai. Non mais c'est un truc de ouf. Et en plus elle se vexe. Tu sais en fait quand tu payes. Oui non mais je vais payer la moitié. Et quand tu dis bah vas-y. Et elle commence à s'énerver. Tu dis mais attends mais c'est pas possible. Bah, bah alors je vais payer. Non mais c'est bon. Non mais c'est bon. Ah bah alors du coup ça s'énerve quoi. Ou alors il y a aussi celles qui préfèrent, enfin celles et ceux qui préfèrent couper en deux. Mais t'imagines un peu. Bon alors on est deux. Donc toi t'as pris un coca. Moi j'ai pris ça, mais alors c'est 14, hein. Moi j'ai payé 17, donc alors on va séparer les comptes. Je trouve ça scandaleux, moi, les coupes comme ça me fait. Ouais, c'est dur. Non, bon, et donc. J'ai pris un coca, puis t'as pris un café. Vas-y, c'est bon. Oui. Bon, alors, toi Sandrine, tu voulais réagir à Samuel, donc toi c'est par rapport à son histoire, hein. Il est avec une fille depuis un mois, oui. Et lui il aimerait bien s'installer, mais bon, tu sais que Samuel, ça fait qu'un mois, reste à la cool, hein. Oui, ça fait tôt, quoi. Oui, c'est ça. Ça fait un peu tôt aussi pour s'installer dans la petite maison avec le monospace et tout ça. Hein. Non, peut-être pas il ça. Faut non, faire mais le tang. Oui, il faut le faire le temps, effectivement, le tang. Oui, je sais, mais officiel. Quand moi je dis officiel, c'est voilà qu'on est vraiment posé, et pas forcément habité avec elle. Non, mais j'ai compris. Ouais. Et toi, Sandrine, t'es avec quelqu'un actuellement là? Moi, je suis avec quelqu'un, mais c'est compliqué quand même. Alors, combien mesures-tu, Sandrine? L'autre directement là sur n'importe quoi il démarre. Bah tout évidemment. Alors 1m65 hein, mais tout ce qui est petit est mignon. Mais évidemment. Bah 1m65 ça va hein. Oui mais combien pèse-tu? Ça va, c'est la normale. Combien pèse-tu? Combien pèse ton poids Sandrine? Ah 47 kilos. Ah, c'est parfait. Ah, il faut manger maintenant aussi mais Sandrine mais, hein. Mais non pas du tout. Quel est ton tour de poitrine? Je suis obligée de répondre. Oui, obligée. Ouais, c'est impératif, sinon tu es banni de fun. C'est lourd. Ça, c'est parce qu'il y a du lourd. C'est pas grave, alors je suis banni de fun. Non, mais. Bon, alors vas-y. Combien? Bah, de toute façon, t'as qu'à mitonner, hein, il s'en fout, toi. Lui, c'est dans sa tête que ça se passera, de toute façon. Quoi, y'a pas assez? Bon, alors B. Non, y'a un peu. Bon, B ou bah, C? Alors B. B, d'accord. Bah, donc c'est bien. On va aller 85B. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Du 34, 32. 32? Oh là là. Ah oui, il faut vraiment que tu manges, hein, Sandrine, à un moment. Hein. Bon, Sandrine, si c'est très compliqué, tu peux m'appeler. Oui, mais pour que ce soit encore plus compliqué, voilà, tu vas voir, ça va être bien. Je vais remettre un peu d'ordre dans tout ça. Super, tu parles. Bon, et donc, du coup, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à Samuel, toi, Sandrine? Dès qu'il laisse faire, qu'il voit après comment ça se passe. Mais oui. Non mais c'est ça, tu es en train de te prendre la tête Samuel, la profite du début de la relation et puis après tu verras au fur et à mesure. Pourquoi tu dois absolument vouloir que ce soit officiel et que t'attendes et que sans ça tu peux pas faire ta vie, voilà, vis les choses comme elles viennent et puis un jour viendra, soit ça va être fini parce que vous êtes pas fait pour être ensemble, soit ça va bien se passer et puis c'est un truc officiel. Peut-être qu'elle dit que c'est pas officiel parce que elle a peut-être pas encore les sentiments qu'il faut pour toi et que elle préfère pas prendre de l'avance. Ou qu'elle en a rien à foutre. Ouais, c'est sur une semaine, on se voit quasiment tout le temps, de l'après-midi jusqu'au soir tard, et bon, ça se passe tout le temps bien et tout, mais voilà, je suis... Non mais peu importe, c'est pas parce que c'est ça... C'est pas mal, tu profites des bons moments. Bah voilà, déjà, ouais. Et puis c'est pas parce que vous passez beaucoup de temps ensemble qu'elle a envie que ça soit officiel tout de suite. Elle préfère peut-être être sûre que tu sois un mec bien sur le long terme. Parce que tu sais, bon, il faut pas se cacher les choses, il faut pas se voiler la face. Hein. Les mecs dans le début d'une relation, c'est jamais vraiment le mec. Tu vois ce que je veux dire? Il est mis sur le bon côté devant. Bah, et après, aussi, t'as toutes les casseroles qui arrivent. Bah. Donc, du coup, après, si ça se trouve, ta meuf, là, est déjà tombée sur un mec comme Tov qui lui a démoli l'idée c'est l'image des mecs. C'est la cuisine qu'il a derrière, c'est pas une casserole. Ouais, lui, c'est la cuisine complète. Ça, moi, j'ai des batteries derrière moi, monsieur. Voilà. Et donc, du coup, elle préfère être sûre d'avoir gratté pour être sûre d'avoir découvert toutes les casseroles pour ensuite dire, OK, c'est un mec bien. Parce que dans l'absolu, dans le début d'une relation, quasiment tous les mecs sont bien. Ah bon? Oui, non, c'est vrai. Quasiment. Tu vois, j'ai pas tort, Sandrine, hein? Non, non, du tout. Ah, t'as vu? Donc, oh, qu'est-ce que t'es fort, Michel. Ouais, mais je sais, moi-même, parfois, je me dis. Oh. Mais ça reste là, hein? Trop fort. Ça s'en reste là. Bon, bah, merci, Sandrine, en tout cas, d'être passée. De rien, avec plaisir. Bah, y a pas de problème. Ah, y a Romain aussi qui dit les seules filles qui acceptent de. Que. Attends, c'est quoi? Qui acceptent que Tof paye tout, ce sont les prostituées. Et encore, il y en a qui refusent. Hein. Ouais, il y en a qui refusent. Je suis rentré par le bois, je me suis arrêté, elle m'a fait non. T'as vu? Il y a Mylène aussi qui dit qu'il faut qu'il change de copine, car s'il est pas attaché, elle finira par partir au bout d'un moment. Mais pas sûr. Il y a Kia aussi sur le Twitter qui dit c'est de plus en plus rare, surtout chez les jeunes de maintenant. La galanterie de nos jours, faut s'asseoir dessus. Bon, ça dépend. Et puis il y a Tej aussi là sur Facebook qui dit bonsoir toute l'équipe. L'île Maurice vous aime. Mais nous aussi, on vous aime, l'île Maurice. Mais bien sûr qu'on vous aime, surtout si on peut venir chez vous. C4. Bon ben merci Sandrine d'être passée en tout cas, je te fais des bisous. Salut. Et à bientôt, salut à toi. À bientôt Sandrine. Ciao Sandrine. Samuel, ben merci à toi et puis laisse pisser le mouton comme on dit hein. C'est quoi ce mouton en bois là? C'est un mouton en bois. Ah ouais, parce que lui était vraiment malade hein, le mouton hein, il y a un moment enfin bon. Bon, ben d'accord Samuel. Ouais, ça marche. Je fais une petite dédicace. Allez, vas-y, mais à une seule personne hein, choisis bien la personne. Bah ouais. À toute l'équipe de l'accueil de jour de Nice, voilà. Très bien. Et ben voilà, le message est passé. Salut à toi, Sam. Salut. Et bonne soirée. À bientôt à l'écoute de Fun. Ciao. Et puis on a, on a la colle, là. La colle de soir, là, maintenant, là. C'est parti. C'est avec Mathieu qui est avec nous de Dijon, là. Salut, Mathieu. Salut, ça va? Ça va et toi? Oh, bah, écoute, avec le beau temps, ça va, hein? Eh ben, profite-en bien, justement, hein. Il caille. Bah, non, il fait 22, là, ici, il fait chaud dans le sud, mais ici, ça va. Non, ici, bah, ça va. Puis ça ira mieux, là, demain, après-demain, tout ça, normalement, ça va remonter, là, pour ce week-end. Donc, profitez, parce que c'est les derniers coups, là. Après, en arrivant automne, hiver, on est dans la merde, hein. Je vous le dis direct. De toute façon, ouais, c'est la qualifie de sortie, hein. Voilà. Sauf ceux qui sont en Nice, évidemment, qui, eux, ont toujours 15 de moyenne, grand minimum. Évidemment. C'est l'extrême, là. Bah, voilà, c'est ça. Bon, Mathieu, alors, toi, t'avais la colle du jour. La colle de ce soir donc qui tu vas raconter hein. Si les auditeurs trouvent, ils gagnent soit l'iPod Nano, la dernière génération de chez Apple, soit le casque DJ, c'est eux qui géreront. Et si personne trouve, Mathieu, c'est toi qui gagne. On t'écoute. Alors, ces trois Russes ont un frère en commun. Ouais. Quand ce frère meurt, les trois Russes n'ont plus de frère en commun. Pourquoi? Alors, trois Russes ont un frère en commun. Quand ce frère meurt, les trois Russes n'ont plus de frère. Pourquoi? C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Bon bah si vous avez la bonne réponse, hein, allez-y, facebook.com maintenant, vous mettez donc facebook.com/mikaelofficiel et puis bah on en parle dans un instant et puis vous vous inscrivez surtout pour gagner votre iPod Nano ou votre casque de DJ. Trois Russes ont un frère en commun, quand ce frère meurt, les trois Russes n'ont plus de frère. Pourquoi? C'est bien ça, c'est Mathieu? Ça. C'est ça, exactement. Quelle mémoire. Parfait. Bon, bah, tu restes là, Mathieu. Et puis, on va se faire le son de. Ah, bah, Get Lucky, tiens, Daft Punk maintenant, Mathieu. Voilà, tiens. Bon, bah, très bien. On va reprendre Vicky aussi dans quelques instants, là, qui voulait parler de la galanterie. Vicky, 24 ans de Bruxelles. On en parle dans un instant, juste après le son des Daft Punk et Pharrell Williams maintenant sur Fun Radio. Son découvert sur Fun. C'est Get Lucky, la bonne soirée, tout le monde. Like the legend of the Phoenix. Punk sur Fun Radio à l'instant avec Get Lucky. Allez, bonne soirée tout le monde. Mickaël No Limit, on est là évidemment jusqu'à 23h. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Allez, profitez-en, c'est le numéro du standard là. Allez-y, il y a pas de problème, il y a Sandro évidemment qui décroche, il y a Vivien aussi qui dit Mickaël, je vous écoute de Chine en vacances. Oh là là là là là là, quel bol. De riz. Ah! Oh putain, ça c'était nul par contre. Ah, ça là, j'aime bien. Moi j'aime ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Bon, il y a Jolie aussi qui dit bonsoir l'équipe, comment allez-vous? On va encore passer une bonne soirée à vous écouter en espérant que tu passes un message pour moi. Faites-nous rire. Eh ben, c'est ce qu'on va essayer de faire. Sans problème, Eric Audi aussi qui dit j'ai hâte de voir le gage que Sandro devra accepter. Oui, bah écoute, on espère qu'elle va l'accepter. Mathilde aussi qui dit même à l'imponie, j'arrive à péter une barre toute seule à cause de Mickaël et Toff. À cause, grâce plutôt là. Oui. Quand même, enfin j'espère. Qu'est-ce Frédéric qui dit, bah non, vacances a priori. Hein. Fred aussi qui dit vive les routiers. Denis qui dit c'est dommage de s'asseoir sur des fesses comme ça. Et puis ah oui, c'est par rapport aux plus belles fesses de France, du monde, pardon. C'est une Lyonnaise, une Française, donc qui s'appelle Laura, qui apparemment a les plus belles fesses du monde. Les fesses, allez voir bien évidemment sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. Et puis Denis qui dit Mikl, oublie pas de dire comment garder sa nana. Ouais, t'inquiète pas là, je vais en parler dans un instant. Et puis Johan qui dit salut Mikl, j'aimerais participer pour avoir une place pour le match de demain. Oui, demain on va vous les filer vos places là, vous inquiétez pas, ça va arriver dans un instant. Avant 23h, tirage au sort pour choper vos places pour aller assister au match entre les Diables Rouges et les Bleus. Si vous voulez tenter de gagner, bah vous allez faire un like, hein, facebook.com/MIKL officiel, tirage au sort avant 23h sur Fun Radio. Bonne chance tout le monde. Bon, on accueille maintenant, où est-ce qu'il est? C'est Yass qui est avec nous là, du Loiret. Salut Yass. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, comme quelqu'un qui est au boulot, ça va. Oh bah nous aussi on est au travail, hein, te la ramène ouais, pas. Ouais, hein. Non mais... heureusement que vous êtes là justement, parce que je me ferais chier dans mon tracteur sinon. Ouais, c'est vrai. Bon, le mec il se la ramène pas du tout en fait. Bon, alors, dis-moi Yass, tu voulais réagir toi par rapport à la galanterie. Alors ouais, dis-nous. Bah faut pas trop être galant non plus, parce que moi, être trop galant, j'ai fait partir mon ex-copine à cause de ça un peu, en partie on va dire. Ouais mais t'étais pas galant, t'étais relou toi. Donc comment ça, non, non mais dans le sens, non mais je veux dire dans le sens où genre tu lui offrais tout, tu lui payais tout, non, etc. Non, j'offrais pas tout non plus, tu vois, mais justement elle savait que la plupart du temps c'est moi qui allais offrir, et bah ça l'a, en fait ça l'a, c'est ça qui l'a fait partir, tu vois, parce qu'elle savait que Y a plein de filles qui viennent d'envoyer un message en disant qu'elles veulent devenir ta copine. Comment? Je dis plein de filles qui viennent d'arriver, qui viennent d'envoyer leur message là, qui veulent devenir ta copine apparemment là. Hein. Vu que tu payes toi à tout le monde, elles sont au taquet. Non, hein, non, si non. Veux. Ah bah oui. Pas toi à tout le monde, il y a des limites quand même, mais voilà, quand on va dire que quand j'apprécie une personne, ouais. C'est genre, c'est quoi le plus gros truc que t'es offert? Ah bah ouais, le plus gros truc que j'ai offert, c'est à mon ex-copine, je lui ai offert un cheval. Un cheval. Ah bah oui, mais alors d'accord, on n'avait pas la même idée du cadeau quoi. Ah oui, tu fais pas les choses en moitié. Non mais c'est parce que voilà, faut pas non plus, un cheval c'est pas donné hein. Bah, non, c'est, bah, c'est sûr. On est choqués. D'ailleurs Sandro, bon on n'est pas ensemble mais je vais t'offrir un cochon. Ouais, je vais le foutre où le cochon? T'es merde toi. Tu finiras bien par le manger. Bah oui, ça fera du jambon. Du jambon. Non, c'est vrai. Mais, donc tu dois faire un cheval, ouais, d'accord, ok. Et maintenant qu'elle s'est mariée. Elle l'a jeté et elle a gardé le cheval. Le cochon se marie pas trop bien avec l'âne, hein. Ouais, c'est vrai. Rapport à l'émission d'hier. Hein. Exactement, où Sandro a dit que c'était une ânesse. C'est bien, tu es fidèle. Ouais, c'est vrai, c'est bien, Yass. En même temps, il est sur son tracteur, il y a rien d'autre à foutre. Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais sur le tracteur, dis-moi, Yass? Je suis en train de rentrer de la paille. Ah bah ouais, faut le faire. Faut que ça se fasse à un moment ou à l'autre, hein. Comment? J'ai dit faut que ça se fasse à un moment ou à l'autre, hein. Ah bah oui, bah. Bon, et moment, du coup, t'es dans les grosses journées là. Bah ouais, j'imagine. Et du coup, t'as une meuf là actuellement ou pas? Ah non. Ah bah si vous voulez pour l'amour et dans le pré, hein. Et bah exactement, je recherche, non je passerai pas dans l'amour et dans le pré. Oh c'est dommage, on se serait bien marré, parce que donc si vous voulez un cheval les filles là, il y a Yass là qui peut éventuellement vous régaler là, hein. Comment? Je dis si les filles cherchent un cheval, tu peux régaler. Oui mais les ou vivants. Un pigeon, quoi. Non, mais, c'est parce que voilà, ça faisait 5 ans que j'étais avec elle, hein. Je l'ai pas fait comme ça. D'accord. J'ai pas fait ça comme ça. Au début c'était pas comme. Enfin au début j'étais galant, parce que voilà, au début c'est comme. Je vais pas apprendre à ceux qui sont en couple. Au début c'est tout beau tout rose. Ouais, d'accord, ok. Bon et bah après, très bien. Elle s'est barrée avec le canasson et qu'un autre prince charmant. Voilà. Voilà. C'est ça. Bon bah merci Yass. Bah écoute, bon courage pour ce soir, hein, sur le taf avec le tracteur, tout ça là. Bah ça marche, merci à vous, et je vais vous suivre sans problème, y a pas de soucis, je peux passer une petite dédicace. Allez vas-y, ouais. Bah je fais une grosse dédicace à toute l'équipe de Fun Radio. Bah c'est gentil, merci beaucoup. Une dédicace à tous les agriculteurs. Très bien, message passé en tout cas. Salut à toi Yass, à bientôt. Bah ça marche, à bientôt. Allez, ciao à toi, bye bye. Bon, avant de continuer avec la galanterie là, avec Vicky là de Bruxelles qui voulait réagir, avec Gary également de Toulouse. Ah bah il y a Pedro qui vient d'arriver là, Pedro le directeur d'antenne, donc qui doit donner un gage à Sandro, hein. Alors, ça va Sandro? Non, pas très bien. Donc je vous réexplique pour ceux qui étaient pas là hier. Donc Sandro a raconté une histoire, mais nous l'a vendue comme si ça allait être le truc, ouais, ouais. Le truc exceptionnel, alors que c'était pourri. Et donc du coup, bah ouais, non mais autant dire les choses. C'est vrai que c'était pas non plus la folie. C'est pas la folie quoi. C'était pas pourri, mais c'est vrai que c'était bon, c'était pas pourri, mais, non, c'était, mais pas... C'est devenu... c'était plus que pourri. Mais voilà. C'est vous qui l'avez vendu comme ça. Moi, j'ai jamais dit que c'était une histoire de. Bah, en gros, elle a dit qu'elle avait été à Versailles, on s'est fait chier nous aussi. Et donc du coup, Pedro lui a proposé hier un gage de venir en maillot de bain. Voilà, elle a refusé. Nous avons décrété une loi qui disait qu'elle pouvait refuser 3 fois maximum. La 3e fois, elle était obligée d'accepter. Le gage d'aujourd'hui, que tu peux encore refuser si tu le souhaites. Bien sûr. T'es prêt? Il est content. Hein, il a fait sa journée. Hein, il m'a envoyé 150 messages. Elle m'a demandé 10 fois aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va être? Elle était prête à me soudoyer. Alors, ce que je propose, j'en ai besoin des auditeurs. Ouais. Je propose que pendant 1 minute, tu répondes à toutes les questions des auditeurs. Toutes sur les réseaux, sur Facebook et sur Twitter. Ils vont te poser des questions, tu vas leur répondre à toutes les questions. Oh, c'est chaud. Mais toutes, hein, y a pas de questions tabou, pas de Et pas 5 minutes pour répondre. Voilà, non, faut en répondre. Une minute, tu fuses. Voilà. Non, j'aime bien l'idée, mais mais je propose que Toff le fasse. Bah non, c'est toi. Moi, je propose que pour que ça aille plus vite encore, elle ne puisse répondre que par oui ou par non. C'est vrai. C'est pas mal ça. Alors, accepter ou refuser? Vas-y, c'est bon. C'est bon. Bon ben voilà, donc alors réfléchissez à vos questions, on fera ça vers 21h là, à mon avis, à peu près. Ouais Pedro, c'est bon là, on sait qu'il y a la pub, ça va. C'est bon, t'inquiète pas, je vais la mettre ta pub là. L'argent. Ouais, bah je sais bien, ouais. Voilà, donc ça va arriver, donc on fera ça à 21h, ça va pour tout le monde. 21h, on démarre le truc là. Bah avec Polo, on avait rien d'autre à faire à ce moment-là. Donc c'est bah tant mieux. Bon ben 21h, préparez vos questions. Vous avez 1 minute pour toutes les poser à Sandro. Et elle va répondre par oui ou par non. Et elle ne pourra pas répondre autre chose, elle ne pourra pas dire ah ben non ça je réponds pas, oui, etc. Ou non. Voilà, allez, vous envoyez, vous réfléchissez et on fera ça par Twitter et Facebook avec le hashtag Mickaël d'ici quelques instants sur Fun Radio. Restez bien là car je vous cale dans un instant aussi le son d'Avicii sur Fun Radio, ce sera Wake Me Up. Allez, moi c'est Mickaël et Mickaël No Limit, on est là évidemment jusqu'à 23h. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Mickaël No Limit, 20h, 23h. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio là, 01 42 48 5000 en direct dans toute la France avec dans un peu plus de 10 minutes là, je donnerai le top départ pour poser toutes les questions à Sandro. Déchaînez-vous. Toutes les questions que vous êtes toujours posées, vous allez pouvoir les poster évidemment, les poser aussi à partir de 21h. Alors le faites pas maintenant, 21h, je vous mettrai le top sur le Facebook et le Twitter hein, hashtag Mickaël, vous allez pouvoir poser toutes les questions et elle devra en 1 minute répondre à chaque question par oui ou par non, enfin à chaque, à toutes les questions qu'on lui posera pendant cette minute là justement. Donc si vous voulez réfléchissez à une question que vous voulez poser à Sandro et puis on en parlera évidemment d'ici 11 minutes tout pile, ce sera 21h pétante. Donc voilà, j'attends vos questions évidemment. Allez, bonne chance tout le monde et puis tirage au sort aussi pour tous ceux qui veulent aller voir les Bleus aller affronter les Diables Rouges en Belgique, ce sera à Bruxelles et ce sera demain soir d'ailleurs. Les dernières places sont à gagner sur Fun Radio. Si vous voulez soutenir les Bleus, ce sera le moment ou jamais évidemment là, vous devez simplement aller sur le facebook.com/Mickaël officiel. On s'écoute le son d'Avicii. Maintenant c'est Wake Me Up sur Fun Radio, Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 23h. Feeling my way through the darkness. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Oui, allez-y, profitez-en, il y a Sandro d'ailleurs qui va répondre à toutes vos questions. Si on dirait une invitée, tu sais qu'on va recevoir, elle va répondre à toutes vos questions en direct, blablabla. Donc, la star Sandro va répondre à vos questions. Ouais, elle va répondre à toutes vos questions là, c'est le gage que Pedro vient de lui donner. Donc elle répondra à vos questions à 21h. À 21h, je posterai sur le Facebook et sur le Twitter la possibilité pour vous de poser vos questions via, enfin par ce billet là. Et allez, 5 minutes après, le temps que vous ayez posé vos questions, on fera un petit topo avec Sandro dans un instant. Donc vite fait retour avec Mathieu et la colle de ce soir là. Allô Mathieu. Allô. Oui. Ça va toujours en pleine forme? Oui. Bon, nickel. Bon bah tant mieux. Alors attention, on va donc reposer la question là. Vas-y Mathieu là pour tenter de repartir avec un iPod Nano, le dernier né de chez Apple avec l'écran tactile. C'est un peu le même que l'iPhone, mais il téléphone pas évidemment et puis il est beaucoup plus petit accessoirement. Ou alors avec le casque DJ. C'est toi ou c'est un des gagnants qui choisira? Vas-y, on t'écoute Mathieu pour la colle de ce soir. Donc alors, ces trois Russes, ils ont un frère en commun. Ouais. Ce frère, il meurt et ils ont plus de frères en commun. Pourquoi? Voilà, donc c'est trois Russes, ils ont un frère en commun. Le frère meurt et du coup, il y a plus de frères, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, bon bah si vous avez la bonne réponse, allez-y sur le Facebook, donc hein, Facebook et Twitter, facebook.com/mikaelofficiel. Vous mettez la bonne réponse, hein, j'ai mis un post avec l'énigme, enfin c'est pas l'énigme, hein, c'est la colle. Si vous avez la bonne réponse, donc à vous de jouer et c'est gratuit en plus pour participer, donc profitez-en bien. Merci Mathieu, à tout à l'heure. D'accord, et après, ça va passer une dédicace. Tu vas avoir. Déjà, on verra si tu gagnes ou si tu perds. D'accord, ça marche. On te reprend tout à l'heure, de toute façon, t'inquiète pas. Gary aussi qui est avec nous là maintenant. Allô Gary. Allô, bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci, et toi? Bon, oui, ça va bien. Ouais. T'appelles de Toulouse, toi. Tu voulais aussi parler de la galanterie. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe, toi, au niveau de la galanterie? Puisqu'on était tombé sur un article, en fait, qui disait, ouais, est-ce que les mecs doivent encore être galants? Sont-ils encore galants? Doivent-ils payer la note au resto, par exemple? Alors, chez toi, justement? Alors, moi, je me pose une question, justement, je devais réagir au sujet, parce que, réflexion faite, les femmes veulent avoir la galanterie. Alors, aucun problème, jusque-là, c'est la limite du respect. Ouais. Mais, en même temps, elles demandent à bénéficier de l'égalité des sexes. Ouais. Ah, je savais qu'on allait arriver, je me suis dit, putain, 55 minutes avec toi. 55 minutes avant d'arriver là-dessus, ouais, donc. Ah. Ouais, non mais bon, si elles veulent être au même niveau des mecs, entre guillemets, bon, ben, pourquoi, enfin, au nom de quoi est-ce qu'elles passeraient avant nous? Voilà, donc je vous posais la question, parce que nous aussi, les mecs, quelque part, en prétendre à de la garantie. Qu'est-ce que la garantie, ouais. La galanterie, ouais. T'es un mec. Il y a Juju qui dit la galanterie d'un côté, ok, c'est cool, mais d'un autre, ça montre toujours cet esprit où l'homme est supérieur à la femme. Bah, ça rejoint un peu ce que tu viens de dire, effectivement, ouais. Donc, oui, c'est vrai. Après, mais je pense qu'il faut passer au-delà. Tu vois, il y a un moment, tu peux faire plaisir à ta copine en l'invitant en resto. Bon, copine, je n'en ai pas, mais il y a aucun problème, bien sûr. Peu importe. mais voilà. Je galère avec les filles, je veux bien, mais pas qu'elles en demandent trop. Non, mais voilà. Après, il faut pas que ça arrive. Faut pas que ça arrive non-stop. Non plus, tu vois, à un moment ça peut aller un coup à l'autre. Ça va dans les deux sens. Oui, voilà, c'est ça va dans les deux sens, on est assez d'accord. Ouais. Mais par à côté de ça, t'as toujours des meufs qui sont en train d'envoyer des messages, là, on en a vu pas mal passer ce soir, qui disaient oui, c'est normal, le mec doit être galant, il doit payer le resto, etc. etc. Toff, t'es d'accord? Il est temps que ça change. Ouais, il est temps que ça change. Comme l'a dit notre cher président, le changement c'est maintenant. Oui, c'est vrai. Effectivement, on l'a constaté, ça change grave. Ah ouais, ça vient. Ah, il a changé d'endroit de vacances. Tu vois, il a changé d'endroit de vacances. J'ai vu ça sur BFM TV tout à l'heure. Tu vois, il a changé. Il a tenu ses promesses. Bon, ben merci Gary en tout cas d'être passé. Bien. Est-ce que je peux passer une dédicace? Allez, vas-y. Il y a une seule personne. Là, te trompe pas. Hein. Une seule personne. Ouais, choisis la bonne. Bon, une dédicace à Jérôme qui est en train de m'écouter. Très bien. Donc tous les autres, par contre, vont tirer la gueule, dire quel enfoiré, voilà, là, il a pensé qu'à Jérôme, hein, très bien. Il faut les autres, ils vont pas me reconnaître, parce que très bien, tu vois, finalement, c'est mieux. Bon, ben, salut, Gary. Allez, merci, bonne soirée. Allez, bah, bonne soirée à toi, Gary, là. Très bien. Hop, là, on va prendre aussi, Vicky, là, maintenant de Bruxelles, là. Vicky, 24 ans, allô. Oui. Ça va bien. Ça va. Bon, très bien. T'as l'air essoufflé, Vicky, là, ou saoulé, non? Non, c'est par rapport à l'autre qui parlait, en fait. J'étais limite en train de m'énerver. Ah, bah, attends, on va reprendre, Gary, là. Attends, oula, hey, Gary, je t'ai dit au revoir trop vite, là, sorry. Y a Vicky qui veut te péter une patate. Ah, bah, vas-y, Vicky, je t'écoute. C'est Vicky, hein, pas Vicky, Vicky. Vicky, sois la bienvenue. Tu voulais réagir à la galanterie. Et Gary, à l'instant, pour ceux qui viennent de débarquer, donc, qui disait que l'égalité des sexes faisait que, normalement, aujourd'hui, la galanterie, c'est bon, quoi. Ça n'a rien à voir, égalité des sexes. C'est pas ce qu'il va chercher ça, lui, hein. Ça n'a rien à voir. Alors vas-y, donne-nous ton point de vue, toi, Vicky. Bah, je dis juste que c'est normal que le garçon soit galant avec la fille, quoi. On va pas demander à une fille d'être galant avec un mec. Au nom de quoi? Bah, parce que c'est normal, c'est tout. Bah oui, mais c'est normal, mais t'as des arguments, j'en sais rien. Jusqu'à présent, les filles ont toujours voulu la galanterie. Bon, bah maintenant, il faut peut-être que ça change, à un moment donné. Les filles ont eu le droit de vote en 1950, donc il faut bien qu'elles... Oh là là, non, mais attends. Ça y est, ça démarre. Raison, Gary, te laisse pas faire. Ça démarre, ça Vas-y, démarre. Vas-y, Gary, moi je suis avec Vicky, moi. Vas-y, Vicky, défends-toi. Non, moi je dis que c'est normal d'être galant. Maintenant, la fille qui veut de la galanterie, bah, il faut pas qu'elle exagère trop, c'est tout. Mais bon, voilà, quoi. Parfait. Tout à fait. Ah, il faut qu'il y ait une bonne mesure, mais il faudrait aussi que les filles, bon, je dis pas qu'elles ne le sont pas, mais il faut aussi que les filles le soient un peu avec les garçons, t'es pas d'accord? Ouais, mais dans quel genre de situation? Ben, j'en sais rien. La galanterie, ça peut se mettre dans plusieurs situations. Par exemple, le resto, tirer la chaise, ouvrir la porte en rentrant, payer la note, j'en sais rien. Pourquoi pas, est-ce qu'une fois, ça serait la fille de le faire? La fille n'arrête pas de prôner, je veux être respecté comme un mec, je veux qu'on me donne le droit de vote, je veux avoir le droit de plein de trucs, je veux... Par contre, attends, moi j'ai une meuf qui va m'ouvrir la porte, je lui dis, attends, tu m'as pris pour une grossesse ou quoi? Tu vois? C'est pas faux, mais bon. Bah alors. C'est pas faux, les temps changent un peu, mais ça. Ouais, non, mais d'accord. Mais après, je pense qu'on confond aussi le fait de payer le resto qui fait peut-être pas forcément partie de la galanterie et le fait d'effectivement de s'occuper un peu de la fille, de lui ouvrir la porte, enfin tu vois des trucs la galanterie et le fait de payer le resto sont peut-être deux trucs qui sont, ouais, un peu différentes aussi, hein. C'est pas faux, enfin, c'est l'exemple qui a été donné tout à l'heure. Après il peut y avoir plein d'autres exemples. La galanterie, ça veut dire entre guillemets que le garçon doit laisser passer la fille devant elle, enfin devant lui. Bah entre autres, il y a Juju qui dit aussi sur Twitter, oui mais on veut l'égalité des sexes pour tout alors. Clara qui dit aussi, voilà, dans l'esprit des gens, la galanterie n'est qu'envers les femmes, mais pourquoi égalité, mince. Et puis Lily, toujours sur Twitter, qui dit la galanterie c'est aussi savoir tenir la porte pour laisser passer la femme. Par exemple, aussi. Bon, en tout cas, Vicky et Gary, finalement, restez là tous les deux. On va reparler avec vous dans quelques instants. Si vous avez aussi votre avis à donner par rapport à la galanterie, hein, 01 42 48 5000, c'est le numéro du standard de fun. Allez-y. Puis pour la Belgique, 02 851 4 x 0. Mesdames et messieurs, it's time. C'est l'heure. Non, une seconde, j'ai mon tambour. Ah, pardon. C'est l'heure maintenant de poser vos questions à Sandro. Sandro, je rappelle pour ceux qui viennent de débarquer, elle avait un gage. Ouais. Donc Pedro lui a mis un gage, hein, Pedro, le patron de la radio, enfin le sous-patron de la radio. Ouais, le sous. Le sous-sous-patron de la radio, voilà. Sous-sous même. Voilà, mais par rapport à nous, c'est le patron, hein, donc voilà. Et autant dire qu'on est des merdes, quoi. Ouais, voilà. Et donc du coup, bah, il lui avait mis un gage, et donc le gage qu'elle a accepté ce soir, donc de répondre à toutes vos questions. Attention, on a vu des questions passer, déjà il faut pas les poser maintenant, je vais les mettre seulement maintenant, alors attention, ça y est, sur Twitter et sur Facebook, tac, c'est parti. Donc il faut répondre évidemment là-dessus, et avec le hashtag Mickaël, il faut répondre à des questions où il y a une réponse oui ou non. Ouais. Puisqu'on a dit, c'est quoi tes mensurations? Bah oui ou non, tu seras pas plus avancé. Donc voilà, il faut poser des questions où elle va répondre par oui ou par non dans une minute. On fera ça dans un instant. Le temps de se faire, souvenez-vous, c'était hier, là, le chéri, je peux te faire cocu, vous aviez bien kiffé. Donc on a décidé de le remettre, hein, on va se le refaire maintenant, et on rejouera la semaine prochaine d'ailleurs au chéri, je peux te faire cocu. Si vous voulez vous inscrire, mickaël@funradio.fr, vous me faites un petit mail maintenant, les garçons, les filles, aucun problème. Chéri, je t'ai fait cocu. Chéri, je peux te faire cocu. C'était hier soir, écoutez ça pour ceux qui l'ont raté. Attention, ça va s'énerver, hein. Allô. Oui, bébé, ça va? Ouais, toi? Oui, ça va. Dis-toi où tu vas bientôt rentrer? Ouais, ça va. Parce que, en fait, j'ai rencontré Michel. Michel, c'est qui travaille dans les jardins, au travail où je suis. Et ouais. Donc, je l'ai vu tantôt d'élève. Il m'a demandé de venir boire un verre, donc j'étais boire un verre chez lui. Et donc, je te téléphonais parce que il m'a demandé quelque chose et je préfère quand même te le demander avant. Donc, il me demande pour voir si c'est possible qu'on fasse un plan tous les deux. Quoi? Un plan tous les deux. Attends, quoi? Ben, il trouve que c'est super sexy. Et donc, voilà, quoi. Bonne blague, ça. Ben non. Attends, mon coco, ouais. Une bonne blague, tu vas voir. Ouais, c'est une bonne blague, allez, arrête tes couilles. Ben non. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit que c'est une blague, il ne me croit pas. Ah bon? Ouais. Mais bon, il est... qui dit me consent, comme on dit, hein? Ben oui, donc ça veut dire que je peux. Donc si j'y vais samedi, pendant que tu fais la nuit... Passe-le-moi, sinon. Ouais, c'est ça. Allô? Bon. Oui. Allô. Tu veux que je te le passe? Oui, bah passe-le-moi, moi, oui. Voilà. Oui, je te le passe. Allô? Allô. Bonjour. C'est bonjour. Le copain ou mari, c'est ça? C'est ça, oui. Salut, c'est Michel. Oui. Bah, bonjour. Bon, enchanté, hein. Enchanté. Voilà. Bon, moi j'ai rencontré Christelle et c'est vrai qu'on c'était plus. Bon, je suis pas du style à piquer la fille des autres, hein, t'inquiète pas. Hein. Ouais. Enfin, la copine des autres ou la femme, peu importe, donc t'inquiète pas. Moi c'est juste comme ça, j'ai juste parfois des kiffs comme ça de coucher avec une fille juste un soir, donc je lui ai demandé. J'avoue que c'est la première fois qu'on me dit je vais demander l'autorisation à mon copain ou à mon mari, donc je suis un petit peu surpris aussi, je sais pas trop si c'est pas un traquenard, mais du coup voilà, donc elle a voulu te demander, donc Je demandais pas plutôt de casser ta gueule, mon connard, ça va, ça t'a pas fait le matin. Enfin.

T'es en direct sur Fun Radio, reste calme. Oh là là. C'était le chéri, je peux te faire cocu. Je demande pardon à personne, moi. C'est con, quoi. Oh là là, t'inquiète pas. C'est pas les poils qui te tellement je m'énerve. Et ça t'a pas étonné. Je suis dans la bagnole, quoi. Putain, ça t'a pas étonné qu'ils sont en train de jouer au ping-pong, là, en fait. Ouais, c'est ça. C'est de m'arrêter sur le bord de la route, mais non, j'ai jamais essayé, quoi. T'as manqué trempé, quoi. Voilà, donc c'était le chéri, je peux te faire cocu d'hier. Donc si vous voulez faire le prochain, hein, c'est la semaine prochaine, lundi en l'occurrence, à partir de 20h. Donc si vous voulez vous inscrire, vous appelez maintenant Sandro 01 42 48 5000 ou alors 02 851 4x0. Je vous avais mis aussi la question, toutes les questions que vous aviez imaginer un jour poser à Sandro. Et bien grâce à Pedro qui lui a posé un gage, on va pouvoir faire un tour du côté de toutes ces questions. Je vous laisse encore le temps de la pub et d'Iconapop là pour poser vos questions maintenant. facebook.com/mikaelofficiel ou alors twitter.com, vous mettez aussi mikaelofficiel hein, pour poser toutes vos questions. On les lira d'ici quelques instants. Ah Sandro. Il y a des questions. Ah, Sandro ou pas? Ouais, je fais moi la maline là. Ouais. Bon, allez, dans un instant, je vous cale aussi Iconapop sur Fun Radio. Ce sera Ilovi sur Fun Radio. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900. Mickaël nos limites, 20h, 23h sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun, allez profitez-en bien. 21h13, c'est Mickaël nos limites jusqu'à 23h. Retour de Lovin Fun, enfin retour, début de Lovin Fun plutôt à partir de lundi prochain avec Karel Karima et puis le Doc sur Fun Radio. Et puis bah en attendant, on est là jusqu'à 23h du dimanche au jeudi pendant les vacances. Donc profitez-en également. Les questions pour Sandro, ce sera dans un instant. Au taquet Sandro ou quoi? Faire pipi là tout. Bah tu vas attendre un peu. Toutes vos questions, attention, les questions il faut les poser de manière à ce que la réponse puisse être oui ou non, puisqu'elle ne pourra répondre que oui ou non. Donc posez pas quelles sont tes mensurations, parce que oui ou non ça veut rien dire. Donc on vous attend, on attend toutes vos questions maintenant sur le Facebook, facebook.com/mikaelofficiel. Vous mettez le hashtag Mikaël sur Twitter également pour poser toutes vos questions. Donc allez-y. Et puis on va se faire en attendant. Eh, pars pas trop loin hein, Sandro. On va se faire le son d'Iconapop maintenant sur Fun Radio. C'est I Love It, la Mikaël No Limit. On est là jusqu'à 23h. Allez, bonne soirée tout le monde. Fun Radio avec qui connaît pas à l'instant. Il y a I Love It et Brian qui dit trop mortel. J'applaudis les deux coups. Il a trop fun le chéri. Je peux te faire cocu. Chris qui dit du luxe, c'est un con. La mort de rire, trop trippant. Sandy aussi qui dit bonsoir l'équipe. Je tiens quand même à dire que vous êtes délirant. Bisous à l'équipe et dédicace à mon chéri. C'est Jason. Eh ben, de rien. Sandy avec grand plaisir. Merci d'être là tous les soirs. Mélodie aussi qui dit il faut que les mecs soient galants, mais que s'il est respecté, il faut pas exagérer non plus. Donc la galanterie justement, on va en reparler dans un petit instant avec Vicky, avec Julie qui voulait également peut-être venir défendre Vicky par rapport à Gabriel, par rapport à Gary qu'on va récupérer aussi et Gabriel également de Toulouse. Bon, avant cela évidemment, mesdames et messieurs, toutes vos questions vous les avez posées sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag Mickaël. C'est l'heure maintenant. Oui, parce d'avoir... que les mecs de l'équipe ne connaissent pas la galanterie donc. Si, nous on la connaît, mais. Les réponses. Le concept était donc hier, elle nous a pourri la soirée avec une histoire à la con. J'en ai résultat, Pedro, donc le directeur d'antenne de Fun, n'a pas trouvé ça drôle. Ouais. Il est même venu gueuler. Ouais. Et on a passé une mauvaise nuit à cause de lui. Ouais. Et résultat, donc il a mis un gage à Sandro qu'elle a refusé hier et elle pouvait en refuser jusqu'à 3 maximum. Là, on est au deuxième, elle l'a accepté. Il faut donc répondre. Oui, c'est ça. En fait, les auditeurs posent des questions sur le Facebook et le Twitter et pendant une minute, elle doit répondre oui ou non à toutes les questions et elle peut pas dire je passe, blablabla, blablabla. Impossible, ce n'est pas possible. Donc, on y va. Ouais. Alors, Tov va s'occuper de Facebook, c'est ça? Très bien, toi va s'occuper. Rando, t'es s'élevé comme si t'es un athlète de haut niveau. Ouais, c'est ça. Et tu veux faire, tu veux t'essouffler ou non? Non, ça va. D'accord. Attends, juste comme ça pour l'entraînement, Vicky. Vicky, oui. Est-ce que t'as une question à poser à Sandro là, comme ça c'est hors la minute là, hein, où elle doit répondre par oui ou non, n'importe quoi, ce que tu veux, Vicky. Lequel tu préfères entre tout C'est oui ou non. C'est ça la réponse, Vicky. Ah, ouais. Une idée? Non, comme ça, c'est attends, pas. Attends, on va demander à Gabriel, hein, mec. Allô, Gabriel? Ouais, bonsoir. Ça va? Bonsoir l'équipe, ouais, ça va, super. Bon, t'auras une question à poser à Sandro comme ça, où elle doit répondre par oui ou non, et elle peut pas passer la question. Ben voilà, est-ce que ça peut t'accoucher avec toi? Est-ce que tu serais... Oh putain, j'espère que... Est-ce que tu serais prête à coucher avec moi? Avec moi ou... Avec moi? Ah non. Ouf. Oh mon dieu. Ah bah non. Hey, juste un truc, c'est une question bidon, il y a quand même un mec qui demande à Sandro si elle a du diabète. Oui, mettez des questions comme ça. Non. Bon, alors attention, vous avez été nombreux à poser vos questions, donc attention, c'est parti, on va y aller là. Question. Ça va ou quoi, Sandro? Non. Allez hop, on y va. Attention Gabriel, je te reprends dans un petit instant. Donc Toff s'occupait du Twitter. Non, c'est moi du Facebook et Polo du Twitter. Ouais, exactement. Donc on fait un ping-pong. Ouais. Voilà, ping-pong. Alors attention, c'est parti. Donc un ping-pong, c'est parti. Vous êtes prêts? Ouais. On est prêts. Non. Allez. Vas-y. Ah, je commence. Alors t'as un mec? Non. Est-ce que tu as des poils aux fesses? Non. Alors, es-tu déjà sorti avec Toff ou Pedro en dehors de l'émission? En amour, enfin... Une sortie, oui. D'accord, c'est à toi. Est-ce que tu avais peur du noir quand tu étais petite? Non. Trouves-tu Toff mignon? Ça, c'est lui qui la pose. C'est Sandy. Ah, je rigole. Oui. Oh! Oh là là! Mais t'es un peu, tu veux une part du lait? Ah, ça va, il est mignon, il est mignon. Mathieu, as-tu déjà eu une expérience gay? Non. Rémi, Sandro, te rends-tu compte de la chance que tu as? Oui. Sandro, serais-tu prête à tirer un coup avec un des mecs de la radio? Si grosse, qui répond-il de ça? Non. Bon, ok. DJ Max qui demande, es-tu capable de rouler une pelle à un membre de l'équipe? Non. Noam te demande si tu as du diabète. Non. Sandro, as-tu déjà testé la fellation? Mathieu qui demande ça. Oui. Sandro, as-tu de la peau d'orange? Oui. Arthur, trouves-tu les blagues de Toff lourdes? Non. Oh, c'est bon ça. Sandro, tu couches dès le premier soir? Non. Alors, Kerry qui demande, est-ce que tu as déjà pété et roté en même temps? Non. Sandro, est-ce que tu coucherais avec Toff pour 5000 euros? Non. Paul qui demande, as-tu aimé la bave d'escargot? Non. Sandro, est-ce que tu as pécho le mec d'hier? Non. Donc là, ça fait 3 minutes, je ne me rends toujours pas compte qu'on est en train de se foutre de sa gueule. Hein. Ah merde. T'es dans le truc, tu fais pas gaffe. C'est fini. Allez, encore une dernière là. Allez, il y a Kia qui demande si tu lui offres un iPod. Non. Ah, pour le coup, là, elle a répondu, hein, pas compliqué. Il hein. Y a un mec qui te demande si t'as des sex toys. Ah. C'est fini. Bah réponds, vas-y. Tu as fait un signe à Sandro, hein. Non. Oh, mytho, quel mytho! Oh là là! C'était pas très, j'ai pas aimé. Comment ça t'a pas aimé? Vous m'avez donné un gage, j'ai accepté. Elle a pas répondu sérieux, je pense pas. Ouais, mais comme Pedro est le directeur d'antenne, il peut te mettre un deuxième gage bonus. Non, ça va. C'était pas très sincère. Je sens que c'était pas vraiment sincère. Les sex toys, là, c'était un test et le fait de dire non. J'ai déjà dit plusieurs fois que j'avais du mal avec les sex toys. Ah bon, ça rentrait pas. C'est pas mon truc. C'est pas son truc. Bon, avoir voilà. Un homme. Ouais. Et Toff donc puisqu'elle l'a trouvé mignon, alors là, c'est un problème. Non, c'est une bonne soirée. Attends, je veux préciser, c'est une très bonne soirée. Je l'ai regardé là ce soir et oui, il est mignon avec son petit pull qu'il a là. Ah, je te remercie. Ce soir, qu'elle aime bien. Vas-y, flatte-moi, Sandro. Arrêtez. Non, mais sans déconner. Non, j'ai dit, t'es mignon, calme-toi. Hein. Calme-toi. N'importe quoi, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre alors comme connerie? Non, mais là, il est mignon. On l'a vu pire, quoi. Toff, on l'a vu plus dégueulasse. Ouais, on l'a vu dégueulasse, mais. Bah voilà. Ah oui, ça, pour l'avoir vu dégueulasse. On l'a vu en mode Jésus-Christ à l'époque. On essaiera de retrouver une photo où il avait les cheveux longs, la longue barbe et tout ça, là. On essaiera de vous remettre ça à l'occasion. On l'a vu sale, pas lavé. Exactement. En soirée, le matin. Bon, on fera tout à l'heure le jeu de la. Dans le jeu de la rupture tout à l'heure, hein, donc restez bien sur Fun Radio. Si vous voulez d'ailleurs jouer pour gagner vos iPod Nano ou alors vos casques de DJ, eh ben il suffit simplement de vous inscrire maintenant. Vous appelez Sandro au standard pour le jeu de la rupture. Le principe est simple, on appelle quelqu'un au hasard et il faut lui faire une conversation de rupture. Genre voilà, si vous êtes triste, c'est désolé, mais vous en pouvez plus, il faut arrêter, maintenant c'est terminé. Donc si vous voulez tenter votre chance, celui qui arrive à tenir le plus longtemps au téléphone, 1 minute 16, le score à battre, c'était avec moi évidemment. Donc si vous voulez tenter de gagner, à vous de jouer maintenant. 01 01 42 48 5000, ou alors vous appelez le standard depuis la Belgique, 02 851 4x0. On va terminer maintenant avec la galanterie, avec Vicky qui avait réagi par rapport à Gary. Gary qui disait que ok, la galanterie c'est bien, mais l'égalité homme-femme, il y avait un moment, il fallait pas nous saouler avec ça, 107 ans. C'était ça, hein, Gary? Exactement. Voilà, Vicky qui avait gueulé, n'est-ce pas, Vicky? Oui, oui, oui. Voilà, okay. Alors, il y a Julie qui est là également de Saint-Etienne. Salut à Stéphanoise. Bonsoir. T'habites où, à Saint-Chamond? Non, j'habite à Saint-Victor. Ah, très bien. Bon, alors, Julie, tu voulais réagir, toi, on t'écoute. Oui, parce que déjà, je ne sais plus, tu disais que la galanterie, c'était faire passer les femmes, etc., au restaurant. Je vais juste remettre les dans la règle de l'art, la galanterie, c'est pas ça à la base. C'est quoi? C'est quoi? En fait, c'est quand un homme va au restaurant avec une femme, il doit rentrer dans le restaurant avec elle pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger. Ouais, des fois qu'il y a un mec avec un bazooka qui soit à l'intérieur, tu vois, genre, attends, elle a raison. Mais même, tu veux faire quoi? Non, mais c'est ça. C'est vrai, c'est les règles de la galanterie, c'est ça. Et pareil, pour monter les escaliers, l'homme doit être derrière la femme. Ah bah, c'est toujours mieux derrière. Au cas où elle tombe, ouais. Alors que le mec, lui, peut se péter la gueule, on s'en fout. Oui, bah, ça, c'est toujours comme ça. Voilà, c'est ça. Y a pas de problème, hein. Qui va être derrière nous, là? Hein, Julie? Personne. Ah ben voilà, c'est ça, nous on peut crever la bouche ouverte. Mais oui, mais les hommes et femmes sont pas égalitaires au niveau physique, donc les hommes doivent se rattraper tout seuls. Non, oui, bah ça pas toujours, mais regarde, parce que Toff il est bien gauche, hein. D'ailleurs, sa journée des gauches aujourd'hui. C'est vrai? Oui. Ah, bah ça me fait plaisir. C'est ta fête, Toff. Bon, attends, on va prendre l'avis. Mais c'est vrai, t'as raison, Julie. Effectivement, la galanterie, c'est aussi ça, le fait d'ouvrir la porte pour être sûr que, enfin, pas juste ouvrir la porte pour la laisser passer en première, par exemple, mais effectivement, vérifier qu'il y ait pas un danger, etc., etc. Voilà, parce que les hommes et les femmes sont pas égalitaires à ce niveau-là. Ouais, mais à côté de ça. Ça veut dire que les femmes et les hommes sont égaux. Les femmes sont plus fortes niveau mentalement et les hommes plus forts physiquement. Oh, tu t'emballes un petit peu, là, quand même, hein. Hein? Tu t'emballes un petit peu, là. Ne t'emballe pas. C'est vrai. Ça m'ennuierait de te virer comme une malpropre de l'antenne, Julie. Bon, attends, il y a Gabriel aussi qui est avec nous de Toulouse. Salut, Gabriel. Ouais, salut, bonsoir. Eh ben, bonsoir, Gabriel. Alors, toi, t'appelais aussi par rapport à la galanterie? Tout à fait. Oh. Alors, on écoute ton avis, Gabriel. En fait, moi, je suis plutôt d'accord avec Julie, en fait. Ouais. Parce que la galanterie, c'est pas uniquement, comme dirait Gary, l'égalité des sexes, ça n'a rien à voir. La galanterie, ça permet de charmer une fille. Et justement de pouvoir draguer plus facilement, quoi, en fait. Oui. Ouais. Ouais, non, moi, je suis pas convaincu que tu puisses draguer plus facilement parce qu'il y a des filles qui aiment pas non plus la galanterie parce qu'elles ont l'impression du coup qu'elles peuvent rien faire toutes seules. Ça, c'est leur côté masculin qui ressort. Oh bah oui, tout de suite, côté masculin, tout de suite les grands mots, effectivement. Ben voilà. Bon. Parce que t'as des filles, elles préfèrent les garçons qui sont plutôt charmants et galants que les garçons qui sont plutôt bruts. Ouais, et Vicky, t'es d'accord avec ça, toi? Bah, bof, bof. Hein. Bof, bof. Hein. Bof, bof. Oui, tu n'as pas convaincu, Gabriel, malheureusement. Hein. Ah, ouais, bah, enfin, bon. Ça reste ton avis, cela dit. Hein. Bref, en tout cas. Donc, en gros, pour terminer, pour clore le débat, la galanterie, Vicky, il faut continuer avec ça ou pas? Enfin, pour les mecs, en tout cas. Hein. Mais non, c'est dépassé, Vicky. Mais Non. Si continue, au moins, ça leur fait quelque chose à faire. Ça leur fait quelque chose à faire. D'ailleurs, soyons galants, Vicky, combien mesures-tu? Oh non! Tu l'as cherché? Non, je l'ai pas cherché, c'est pas vrai. Combien mesures-tu, Vicky? Non, parce que quand tu es à Bruxelles, en plus, toi, pour aller voir le match demain, les Diables face c'est l'équipe vrai, de France. Non. Ah. Bon, alors, Vicky, combien mesures-tu? Je sais pas, moi, ça fait longtemps que je me suis fait mesurer. Ouais, mais je à peu près. Si... Non, mais tu sais, si tu mesures plutôt 1m50, 60, enfin, tu vois, quelque chose, quoi. 2 mètres? 1m60. Non, plus que 1m60. D'accord, bon. Combien pèses-tu? La dernière fois, bah, j'avais 50 kilos. D'accord. C'est... Quel est ton tour de poitrine? 85B. D'accord. Et la taille d'un pantalon que tu as acheté? 34. Je peux être galant, Vicky. Je peux être galant, je peux t'ouvrir une ou deux portes. Non, c'est pas possible, tu sais pas faire. Toi. Ah ouais, là, ça s'éclaire, effectivement. J'ai tourné le poignet quand même. Ouais, vite fait, ouais. Bon, en tout cas, merci Vicky, merci Julie d'être passée, les filles. Je vous fais des gros bisous et puis vous restez là, on va vous envoyer la compile Starflore à toutes les deux. Merci. Je t'en prie, il y a pas de problème. Gros bisous les filles. Et puis bah vous avez vu ça la galanterie, j'offre les cadeaux aux filles. Bravo. Pour ne pas les offrir aux mecs et ça c'est beau. Gabriel et Gary. Gabriel et Gary. Ouais. Et ben vous repartez les mains vides. Salut à vous deux. Avec plaisir. Salut à vous. Bye bye tout le monde. Bah, très bien. Merci à vous en tout cas d'avoir réagi par rapport à ça. Il y a Abaper aussi qui dit salut Mickaël et toute l'équipe. Je kiffe votre émission depuis la Réunion. Continuez comme ça et continuez à nous faire marrer. Et arrêtez avec ça là parce que je vais finir par plus trouver ça drôle là. Vous êtes à la Réunion à l'île Maurice et vous on est là là. On est là là avec un temps de merde. Oh ça va. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh là là. Non mais aujourd'hui ça va. Il fait encore une vingtaine de degrés. Mais quand il fera moins 10 hein, qui va faire dégueulasse, qui va y avoir de la neige, qui va se transformer en truc dégueulasse. Et eux là, ils seront sous les palmiers à la plage. On ça va pas être bien, drôle. On ça. Va mettre des bottes, on va mettre des écharpes. Ouais, des génial, bras, génial, génial. On fera des bonhommes de neige. Ah bah ouais, on va s'éclater. Il y a Céline aussi qui dit on porte l'enfant, on repasse tes fringues, on fait à bouffer, on travaille comme les mecs, on fait les devoirs avec les mômes. Tu peux bien sortir 3€ pour un coca. Ouais Céline, c'est vrai. Aurélie qui dit la galanterie c'est plutôt donner sa place dans le bus à une vieille dame par exemple, rien à voir avec l'égalité des sexes. Et puis plein de messages aussi qui sont arrivés par rapport aux blagues de Toff. Tiens Arthur qui dit les blagues de Toff c'est un peu comme les miennes, excellente. Bon, tu t'emballes un peu. Mais là, oui, tu t'emballes oui, même beaucoup. Tu de très bonnes blagues. Tu parles. Bon allez, dans un instant on sera aussi je vous donnerai le bon conseil pour garder vos copines plus longtemps voire même indéfiniment. C'est un bon conseil que j'ai trouvé sur internet, je vous le dirai dans quelques instants, le temps de se faire le son que vous avez découvert sur Fun Radio. C'est normal, Lady Gaga est une artiste Fun Radio. Et donc le premier, la première fois que vous l'avez entendu, c'était sur Fun. On écoute Applause maintenant sur Fun Radio. Allez, 21h30, on est là jusqu'à 23h. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée avec Fun Radio, Lady Gaga à l'instant, c'était Applause que je vous avais fait découvrir hier soir hein, dans Mickaël de Limite, c'était à 20h. Lady Gaga avec Applause à l'instant sur Fun Radio. Je vous calerai aussi tout à l'heure là, si vous voulez écouter, n'hésitez pas à demander le son de Maître Gims. Voilà, avec One Shot et puis si vous voulez, vous demandez aussi hashtag Mickaël avec le titre de votre choix et puis il y aura aussi Martin Garrix. Voilà, Martin Garrix en préparation ou encore Calvin Harris. Hein. Voilà, vous demandez, vous avez, il n'y a pas de problème. Et puis il y avait aussi un message de Wendy qui dit Mickaël, c'est quoi la colle en fait? J'étais pas attentive là. Bah oui, bah on va la rappeler, tiens, justement la colle, il y a maintenant, tiens, on devrait faire le tirage au sort aussi dans quelques instants. Mathieu? Oui. Alors, Mathieu, tu vas couper ton internet parce que j'entends encore Martin Garrix là derrière là. Ah oui, excuse. C'est pas grave, mais du coup, c'est bien parce que du coup, t'as le retour 10 secondes plus tard, c'est pratique. Ouais, comme bon. Ça, j'entends en double. Bah, exactement, voire même plus en double. Bon, Mathieu, je vois pas le côté pratique d'écouter en double, cela dit au passage, mais tu me diras. Non, mais c'est vrai. Bon, Mathieu, répète la petite colle, s'il te plaît, là, pour Wendy qui a pas entendu. Oui. Donc, alors, en fait, c'est trois Russes, ils ont un frère en commun. Ouais. Ce frère, il meurt, après, ils ont plus de frères en commun. Pourquoi? D'accord, bon si vous avez la bonne réponse, vous pouvez vous inscrire, je vous laisse encore 5 minutes tout pile sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Si vous avez la bonne réponse, à vous l'iPod Nano ou le casque de DJ. Bon ben Mathieu, tu restes avec nous, on va en parler dans un instant, d'accord? Enfin, on va surtout donner la bonne réponse d'ici quelques instants. Et puis, je vous en parlais. Donc, le plan pour garder votre copine. Ah. Ah bah ouais. Alors, justement, donc, apparemment, le fait de faire, c'est vrai, véridique, hein. J'ai vu ça sur Internet. C'est une vraie, une vraie enquête, une vraie étude qui a été faite. Et apparemment, le fait de faire des cunis et du coup, à votre copine, bah, elle serait beaucoup plus facilement fidèle à vous si vous lui en faites que si vous lui en faites pas. Alors, effectivement, j'en avais parlé donc vite fait hier en fin d'émission, mais donc c'est une étude américaine qui dit aussi que les orgasmes provoqués par le sexe oral couperaient l'envie d'aller voir ailleurs. C'est bizarre. Alors ouais, donc du coup je voulais savoir, est-ce que vous êtes déjà est-ce que vous avez déjà été voir ailleurs alors que votre copain ou votre copine était plutôt doué dans le domaine? Bah venez nous en parler, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Et puis surtout, est-ce que vous êtes déjà allé voir ailleurs dans l'absolu? Pourquoi? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez craqué sur un one shot? Puisqu'apparemment c'est de plus en plus tendance les one shots. Ça aussi on peut éventuellement en parler. Donc si vous voulez, n'hésitez pas, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On va se faire aussi maintenant le jeu de la rupture car on est mardi. Ah. Ben ouais. Eh ouais, jeu de la rupture. Hein, c'est forcément le mardi que ça se passe. Je vous rappelle le principe. On appelle donc quelqu'un au hasard et vous devez rompre en direct avec lui. Celui qui fait la plus longue rupture évidemment gagne. Est-ce que vous voulez que je vous remontre comment ça marche? Ah oui, Mickaël, montre-nous. Bon, alors j'ai juste pris la fin, hein, mais c'est sur la victoire. Donc c'était un petit extrait. Alors écoutez, ciao. J'espère que son mari va pas écouter les messages en rentrant. Salut, Sonia. Oh, 1 minute 16. Voilà, donc ça c'était juste au moment de la victoire. Alors je vous remets le moment où j'ai gagné complètement, hein, ça me paraît pas mal. Ouais, ouais, non mais c'est vrai, on va quand même prendre aussi Lydia et Mathieu et Messim, pardon. Vous êtes à tous les deux? Ouais. Allô, Lydia? Oui, je suis là. Ah, elle est là, la Marseillaise. Ouais. Parfait. Bon, Lydia 18 ans, Messim 18 ans, vous allez vous affronter pour la rupture dans un instant. Et donc ma grande victoire, vous avez écouté la semaine dernière la victoire ou pas? Ah bah oui. Ah, très bien. Bah oui, je trouve aussi. Donc il a été fort. Mais oui, je trouve également, hein, c'est quand même fort, très très fort, ouais. J'ai envie de dire. Trop. Bon, alors écoutez, c'était la semaine dernière. Donc j'avais appelé pour le jeu de la rupture et écoutez le concept, hein. Je sens que ça peut être bon. Mais oui, ça a été très très bon, Mickaël. Très très bon. Tu es très talentueux. La première antenne, tu l'as décroché, c'est un truc de ouf. Alors. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Sonia Correa. Je ne peux pas vous répondre pour le moment, donc n'hésitez pas à me laisser un message. Et je vous rappellerai. Bonne voix, la meuf. Merci. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Ouais Sonia, bah écoute, je voulais te parler là, t'as pas décroché et donc voilà, je suis assez déçu. Je voulais vraiment que qu'on parle parce que David, bah, ça peut plus continuer comme ça quoi. Non, ça peut plus continuer comme ça. Voilà, je voulais vraiment. Je voulais vraiment qu'on s'arrête. Moi, je t'aime beaucoup, c'est vrai, mais voilà, il y a quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre. Je voulais te le dire et voilà. Alors, écoute, voilà. Mais franchement, c'est, tu sais quoi, le problème, c'est qu'en fait, je te mérite pas, quoi. Là. Tu étais vraiment quelqu'un de bien, Sonia. Et vraiment, je te mérite pas, voilà. C'est bon, écoute, t'hésites pas, tu peux m'en. Bah, on reste bons amis, y a pas de problème. Hein, tu peux m'écrire, hein, mikael@funradio.fr. Et puis, enfin, ouais, de toute façon, tu connais mon mail. Bon, bah, écoute, sois heureuse, en tout cas, Sonia. Allez, ciao. J'espère que son mari va pas écouter les messages en rentrant. Salut, Sonia. Oh, 1 minute 16. Eh oui, c'est ce qu'on appelle gagner haut la main. Ouais, ouais, belle victoire. 1 minute 16, oh, merci, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, Lydia, Messim, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Ok, ça marche. Tentez de battre 1 minute 16. Vous êtes prête? Bah, on va comment? Honneur aux filles. On tombe sur un répondeur. De quoi? On tombe sur un répondeur. Ah ben non, là, vous avez tous gueulé en disant qu'on pouvait pas le faire. Alors maintenant, on a ajouté à la règle le fait que le répondeur ne compte pas. En attendant, quand je suis tombé sur le répondeur, cette règle n'existait pas. Donc maintenant, on l'a ajouté. Non, mais c'est vrai, il faut être honnête. Ah oui, c'est vrai. Écoutez, regardez bien. Regardez sur mon front. Il y a marqué honnête. Ah oui, oh là là. Voilà. Donc toutes les règles sont faites maintenant. Donc effectivement, on ne peut plus tomber sur un répondeur. Si on tombe dessus, bah malheureusement, on appelle la personne suivante. Bon, honneur aux filles, Lydia. Non, au gars. Bon allez, Messim, tu vas montrer l'exemple. Ah, pas de problème. Bon bah c'est parti, on y va, on appelle maintenant là. D'accord. Hop là, bonne chance Messim. Donc tu dois faire un message de rupture le plus long possible, battre 1 minute 16 en tout cas. Et dans l'absolu, battre Lydia évidemment pour gagner l'iPod Nano ou le casque de DJ. Allô? Ouais, allô, salut, c'est moi. D'abord, j'aimerais que tu me laisses parler. Je voudrais revenir sur certains trucs qui s'est passé entre nous. Pas mal. Moi, je veux que ça se finisse maintenant. J'ai plus envie de continuer. Je pense que vous êtes trompé, au revoir. Ça. Ah non, je ne me suis pas du tout trompé. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Ouh, c'est très bien. 15 secondes. C'est normal aussi. Ah bah mais mec, c'est normal. Oui. Bah oui, mais bon, écoute, elle a raccroché. Ça aussi, c'est normal. Mais bon, en attendant, c'est le but du jeu, cette guerre. Elle est restée le plus longtemps possible. Bon, 15 secondes. Lydia. Ouais, je suis mieux. Lydia. T'es pas mal, hein, pour faire mieux là. On va faire bonne ça dans un instant après la pub. À votre avis, va-t-elle ou pas battre Messim? 15 secondes. Qu'est-ce que t'en penses, Lydia, toi? Ça va le faire. Bah écoute, on verra bien. Elle a raccroché. Ah bah oui, mais c'est le but, c'est de la tenir le plus longtemps avant qu'elle raccroche, évidemment. Bon, Lydia, attention, le suspense. Peut-être que c'est toi Messim, peut-être que c'est toi Lydia qui repartira avec l'iPod Nano ou le casque de DJ. Si tu gagnes, Lydia, tu prends quoi? Le casque DJ. Et toi Messim? L'iPod Nano. D'accord, ok. Bah on fait ça dans un instant. Ne bougez pas. Il y a Wendy qui dit: j'ai pas écouté ce jeu malheureusement. Mais quelle escroquerie. Je vois pas de quoi tu parles. Non mais c'est vrai, je ne vois pas de quoi tu parles. Et Arthur qui dit le génie de la radio va encore gagner, le roi Mickaël résiste de plus en plus longtemps. Non mais là j'étais pour montrer l'exemple la semaine dernière, j'ai fait 1:16. Bon bah voilà, après là 15 secondes pour mes sims, comment vous dire que mon titre est quand même plutôt bien gardé là. Allez, dans un instant je vous cale le son de Maître Gims sur Fun Radio. Et puis on va faire aussi le tirage au sort là pour les places de foot pour aller assister au match qui aura lieu demain soir à Bruxelles. Les Diables Rouges donc face aux Bleus, si vous voulez gagner vos places. Et ben on va faire ça tout à l'heure, hein. Ce sera aux alentours de 22h, en tout cas avant 23h. Alors bonne chance tout le monde et on revient dans un instant, c'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à 23h, la bonne vacances tout le monde. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio dans toute la France. Soyez tous les bienvenus. Et c'est dans à peu près 3/4 d'heure maintenant qu'on fera le tirage au sort pour savoir qui ira supporter les Bleus. Ce sera demain soir en Belgique, à Bruxelles. Donc si vous voulez que ce soit vous, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Faire un like sur le Facebook, sur la petite photo bleue où j'ai mis, enfin où il y a marqué Belgique France là. Faites un like, on fera un tirage au sort tout à l'heure là parmi les likers. Donc facebook.com/MIKL officiel. Allez-y, bonne chance. On va dans quelques instants refaire encore le jeu là avec Lydia et Messim. Messim qui a tenté sa chance là pour faire le jeu de la rupture. Messim, t'es là? Oui, je suis là. Parfait. Et Lydia, attention, c'est vrai que j'avais oublié, mais effectivement, dans la règle, Messim a droit à deux appels, comme toi d'ailleurs aussi, hein. T'auras droit à deux appels, on prendra le meilleur, bien entendu. Donc peut-être que Messim aura plus de chance dans quelques instants. Donc ne bougez pas de là, Lydia et Messim, on va revenir avec vous dans un instant. Il y avait Ludo qui voulait réagir aussi à comment garder sa copine ad vitam aeternam. On en parle dans un instant, le temps d'écouter le son de Maître tu Gims. Parles bien latin. Ouais, t'as vu un peu, hein. Maître Gims, c'est One Shot sur Fun. Bah justement, il y aura pas qu'à One Shot, il y en aura deux, tiens. Oh là là. Messim, hey, Messim, t'es de retour. Bravo, belle transition. T'as vu oui, je suis là. Bravo. Bon, Messim et Lydia, donc pour le jeu de la rupture. Jeu de la rupture, donc le principe était simple, hein, faut appeler quelqu'un au hasard. Et puis, bah, il faut qu'il raccroche le moins vite possible. Il faut tenir le plus longtemps. Le record à battre, 1:16. Mais. Bravo, Mickaël, c'est Mickaël. Ouais, il faut te remercie. Bravo. Je vous remercie. Je vous remercie. Ah, c'est normal. Mais surtout, il faut évidemment, si vous battez le record, c'est juste pour l'honneur, hein, mais il faut vous battre Lydia et Messim. Donc là, Messim, t'as fait 15 secondes au premier appel. Si par exemple Lydia fait moins, bah tu gagnes, ou si elle fait plus, c'est elle qui gagne, mais il faut pas spécialement faire plus d'une minute 16. Il y a évidemment pas de souci. Donc Messim, pardon, tu as effectivement droit à un deuxième appel et on prendra en compte le meilleur des deux. D'accord ? D'accord. Bon, allez, c'est parti. On appelle encore quelqu'un d'autre. À toi de jouer. Lydia, tu auras droit à deux appels également. On y va, c'est parti. À toi de jouer, Messim. Jeu de la rupture. Faut rester le plus longtemps possible au téléphone avec un mode rupture, justement. Hein, on dira à la personne qu'on a envie d'arrêter. Allô ? Ouais, salut, c'est moi. J'espère que tu vas bien, mais moi, je t'appelle pour dire que sincèrement, je peux plus. Je peux plus. T'es trop jaloux. Ça peut plus continuer comme ça entre nous. Tu te rends bien compte de toutes les scènes que tu me fais en ce moment? Non mais franchement, ça peut plus continuer. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais il parle pas, mais il a pas raccroché. Hein. Comme ça, je pourrais plus tenir et là, je sens que ça va être fini entre nous. Ça va vraiment être fini. Je sais pas si tu comprends, mais moi, je peux plus continuer comme ça avec des personnes autant jaloux. J'ai tout fait pour toi en plus, hein, tu le sais très bien. Ouais, c'est ça, ouais. Tu le sais très bien. Il a télé qui dit quoi, ça. Pour savoir c'est qui le numéro anonyme. Non, mais après, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais avec tout ce que t'as fait ces derniers temps, faut arrêter. Faut qu'on arrête tous les deux. Stop. Le numéro anonyme. Comme ça, il rappellera pas. Mais arrête. Tu sais très bien. Vas-y, raccroche, putain, il est 3 là, il va battre mon record. C'est très bien. Fuck. Ah mais il va appeler France Télécom. Tu peux pas. Raccroche. Tu peux pas. Oh putain. Allez hop. Tu vénères. En plus toi t'es tombé sur un répondeur quand même. Pourquoi tu fais semblant de pas comprendre? Il a battu mon record. Merde. Tu vénères. Tout ça en trichant. Tu mets pas le signal. Là ça y est, ça peut plus continuer. Ah il a triché je pense. Et lui 29. Oh, tu vas jamais raccrocher, tu vois. Je veux que ce soit fini, là. Oh, il a une chatte, lui. Mais je crois qu'il a posé le téléphone, il est en train de parler avec sa femme. Je pense, ouais. Ah, c'est, tu vois, elle est en train de lui dire. Il a arrêté, Massimo. C'est bon, faut faire quelque chose. Je sais pas ce que tu fais là, mais réponds. Ah, 1 minute 58. Putain, Messim quoi, je suis vénère. Bravo. Mais ouais, nation... mais on va lui enlever 30 secondes parce qu'il a, je pense qu'il a triché. Bah non, là, il a eu de la chance. Il a eu de la chance. Il a eu de la chance parce qu'en fait, le mec, il appelait sa femme et il fait ouais, viens écouter. Ouais. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu là. Bon, va appeler France Télécom pour savoir si c'est le numéro masqué. 15 secondes au premier appel et 1 minute 58 au deuxième appel. Pas mal. C'est un con, quoi. Pas mal. Je plaisante. Merci. T'as 1 minute 16, c'est le record, là. Tu viens de le démonter, là. En premier appel, je suis, deuxième appel, je suis vénère. Alors que moi, j'avais fait une 1 minute 16 au premier appel. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et non, mais il faut laisser à. Premier appel, premier répondeur. Il faut laisser à César ce qui appartient à César. Oui, en l'occurrence, César, c'est moi. Bien sûr. Je suis César. Ouais, je suis César. Bon. Lydia, la barre est haute, là. Hein. Ouais, bah, très haute, ouais. Ah, bon, t'as droit à deux appels aussi, cela dit, hein. Bon, bah, écoute, je te souhaite bonne chance, on y va, hein, Lydia. Messi m'a fait 1 minute 58, score à battre pour gagner, et score à battre également, d'ailleurs, pour tenter de, d'avoir Lydia, le record. En échange d'une photo de toi, sur Polo. Non, je plaisante, non, mais écoute, Lydia, tu sais que tu veux garder le plus longtemps, moi, je suis pour Lydia. Pleure, fais semblant de pleurer. Oui, bon, moi, je raccroche encore plus. Mais non. Il faudra pas raccrocher, si tu pleures. Bon, allez, hop, on y va, c'est parti, Lydia, on appelle, bonne chance, en tout cas. Merci. Allez, c'est parti. 1 minute 58 dès que allez, ça décroche. Lydia. Allez. Allô. Oh, allô. Putain, c'est pas gagné. Oui. Allô. Allô. Oui. Oui, hein. C'est un ouais, fantôme c'est ou quoi? T'es arrivé. Oh putain, va pas se mettre une balle, j'espère. Allô. Oui, tu me reconnais? Tu m'entends? Non, t'as peut-être fait une vraie rupture. Je t'entends pas très bien, mais il faut que je te parle. C'est sérieux, là. Allô? Mais c'est pas gagné, hein. Allô? Quoi qu'on est à 35 secondes, on sait jamais, sur un malentendu. T'es là ou pas? Je sais pas dans quel monde. Je sais pas, moi je raccrocherai, j'appellerai quelqu'un d'autre. Bah non, attends. J'ai même fait peur. Allô? Tu veux pas parler? Tu veux pas parler? C'est pas facile. Allô? Hein. Elle a raccroché là. Ah non, non, toujours là. Non, c'est la raccroche. Ah, elle a raccroché. Et hop là! Oh, 1 minute 59 oh là là. Secondes pour être précis. Ah, mais non, il répondait pas, c'est nul. Bah oui, mais ça, on n'y peut rien. L'autre, elle parlait pas non plus. Donc, si, il répondait. Hein. C'est juste que l'autre, je sais pas ce qui lui est arrivé. Là, t'es là. Allô? Allô? Hey. Qu'est-ce qu'il se passe? Calme-toi! Mais si, là, il avait décroché, là, je t'assure. Oui, mais 59 secondes. Deuxième essai, Lydia, t'as fait mieux, hein, que Messi, mon premier appel. Lui, il avait fait 15, toi, t'as fait 59. Par contre, Lydia, c'est pas grave, même s'il te parle pas, toi, tu continues à faire ton truc, hein. Ah ouais? Ouais. Tant qu'il raccroche pas, tant qu'on dit pas qu'il a raccroché, c'est qu'il est toujours là, donc tu fais ta life, hein. Voilà. Bah, allez, on rappelle. On appelle un deuxième, là. Vas-y, Lydia, on y va. Mon record est battu, je suis vénère. C'est pas grave, Mike. Bah, si, la prochaine fois. Oh. Si tu veux, j'ai encore des numéros après. J'ai bossé comme un chien. C'est vrai. Il va pas dormir. Ah oui. Oui. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Ouais, c'est moi. Pardon? Oui, c'est moi, faut que je te parle. T'as pas de bol, hein. J'entends pas. En plus, t'es on est juste tombé sur le troisième âge. Allô, c'est moi, faut que je te parle. Qui c'est qui me parle? C'est une urgence, faut vraiment que je te parle. C'était pour te dire que voilà, ça vraiment, ça peut plus continuer. C'est plus possible, je peux plus tenir comme ça. Laisse-moi parler. Il faut vraiment qu'on mette les choses à plat. Je vais passer chez toi dans pas longtemps. Prépare toutes mes fringues, toutes mes affaires, tout le bordel. Parce que là, j'en ai vraiment marre, c'est plus possible. Tout ce que tu... Non, vraiment. Je pète un plomb, c'est plus possible. Qui téléphone là? Mais tu sais très bien qui c'est, tu reconnais ma voix, on s'est eu plusieurs fois au téléphone, on a passé des heures au téléphone ensemble. Mais non, mais dis-moi ton nom. Mais tu sais qui c'est, fais pas la faute. Mais non, je sais pas. mais si, tu sais qui c'est. On a passé la minute. Dis-moi comment tu t'appelles. Attention. Mais écoute, c'était juste pour te dire, prépare mes affaires. Mais j'ai rien d'affaire de toi. Mais si, t'as toutes mes affaires, t'as tous mes strings, toutes mes culottes, t'as mes pyjamas, t'as tout à moi, t'as tous mes sous-vêtements. Mais ça va pas du tout. Mais si, mais j'ai tout, mais même tous les cadeaux que je t'ai achetés, rends-moi-les. Rends-moi-les vraiment parce que là, c'est plus possible. Qu'est-ce mais dis-moi ton nom. 1 minute 30, attention. Mais tu sais qui c'est? Mais non, je sais pas qui c'est. J'ai vraiment fait un score de merde. Mais non, pourtant, je venais chez toi, on dormait ensemble et tout. Mais bien sûr que tu sais qui c'est. Je raconte, je sais pas qui c'est. Mais si, tu sais qui c'est. Arrête, tu vas me faire pleurer. Arrête. Ça me fait. Arrête. En plus, je te passe. T'as tourné la page aussi vite que ça? Je te passe. Mais si, mais oui, passe-moi ton fils. Oh là, c'est bon, elle a gagné. Oh putain, c'est bon. Oui, non, mais voilà, comme je disais, c'est plus possible. Là, faut vraiment que tu prépares toutes mes affaires, toutes mes fringues et tout, parce que je vais aller chercher là, j'en ai marre, moi, de continuer. Continuer comme ça, c'est pas possible. J'ai plus de nouvelles, ça fait 3 semaines. Non, c'est vraiment plus possible. Faut vraiment que vous mettre un terme à tout ça. À mon avis, vous avez fait un faux numéro, parce que... Non, c'est pas un faux numéro. J'ai reconnu sa voix, elle sait très bien qui c'est, et elle fait la fausse depuis tout à l'heure, elle sait très bien qui c'est. Elle fait la fausse. Je sais pas de quoi vous parlez. Assieds-toi maintenant, je te dirai. Elle lui dit assieds-toi. Assieds-toi, prends une chaise parce que tu risques de tomber de haut. Oh putain, elle va raconter ça, les bordages, calme-toi. Non, c'est chaud. Bon, écoute, avec ta mère, ça fait un petit moment qu'on se tourne autour, et puis, moi j'ai mon copain, et puis ça peut plus durer comme ça. Elle me fait du chantage, c'est il faut vraiment que elle fasse tout ça. 3 minutes. Sûre de ce que vous dites. Je suis vraiment sûre de ce que j'ai dit. Elle cache bien son jeu, hein. Elle cache très bien son jeu. Mm-hmm. Et elle a quel âge à peu près? Pardon. Et elle a jamais vraiment été claire sur son âge. Elle est forte. Elle est pas mal, Lydia. Non, il y a rien. Là, je crois que vous faites vraiment une erreur. Là. Non, je t'assure que je fais pas d'erreur. Elle veut pas lâcher l'affaire. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Il y a un iPod ou quoi? Elle cache très très bien son nom. Elle a gagné, là. Mais mets-le au parleur, on en parlera ensemble, tous ensemble. Je peux pas me déplacer pour le moment. Non, on en parlera tous ensemble. Ah, c'est drôle. Elle a jamais voulu me présenter. Elle a jamais voulu me présenter. Elle a jamais voulu me présenter à toi. Jamais. Pourtant, je lui ai dit que je voulais bien. Mais elle m'a même parlé de mariage. Allez, bon, bizarre, comment tu veux? Elle m'a même parlé de mariage. Mais là, c'est plus possible. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Il a raccroché là. 4 minutes 02. Oh putain, franchement, j'y croyais pas au début, Lydia. Hein. Ah, t'as déchiré là, Lydia, bravo. Ouais, là. Comment tu l'as retourné? Tu voulais pas lâcher l'affaire, hein. Tu sentais comme t'avais battu la minute 58 là. Je savais pas combien ça faisait de minutes donc. Ah non, mais là, quand même. Bon, bah, Sim. Ouais. Comment dire qu'elle nous a tous les deux envoyés chez notre mère. Hein. Ah ouais, carrément, bien joué. Et je tiens à rappeler que moi, je faisais le kéké là, la semaine dernière avec 1 minute 16, mais qu'avant ça, Toff. Lui, il avait sabré le champagne parce qu'il avait fait 20 secondes. 35, j'avais fait 35. Ouais, il avait fait 35 secondes. Alors, ça y est, il était là en train de se la ramener, là. Et il y a Kevin, là. Kevin sur Facebook qui dit Lydia est juste épique. Bravo Lydia, t'es la meilleure. C'est Kia qui a envoyé le message. Brian qui dit oh putain, elle est balèze. Il y a Romain aussi qui dit sérieux, vous appelez vraiment n'importe qui. Ah ouais, vraiment, là, pour ah oui, le c'est coup. C'est au hasard. Je suis une vieille quand même, hein. En plus. Oui. Mais ouais, c'est clair. Dame, hein. C'est clair. Elle t'a fait gagner, respecte-la. Bon, bah Lydia, le casque DJ, hein, c'est ce que t'avais choisi. On va te l'envoyer alors. Oh, nickel. Bah écoute, il y a des messages aussi, il y a Enzo notamment qui dit pour moi tu restes le meilleur Mickaël. Oui, je te remercie, c'est vrai. C'est vrai. Hein, c'est vrai Lydia. Ouais. C'est vrai Lydia. Ouais, t'as vu comment elle est? Eh bah, c'est normal, elle a t'as gagné. Vu comment t'es, elle Lydia? Explosé. Hein, non, elle va pas exploser, je l'ai laissé gagner. Mais tu sais très bien qu'il aurait pu faire 5 minutes. Mais j'aurais pu faire un quart d'heure. À un moment, il se bloque le répondeur. Et bah, la semaine prochaine, on commencera l'émission à 23h. Ouais. Et je ferai jusqu'à 2h. Comme ça, j'aurai 3h et personne viendra m'emmerder là, dorénavant. En gros, on va appeler personne et tu vas voir. Je serai sur mon trône, définitivement. Bon, bah, Lydia, bravo à toi en tout cas. Le casque DJ, il est pour toi. Et puis, Messi, malheureusement, c'est perdu, hein. C'est pas grave, hein. Bon, tu retentes ta chance quand tu veux en tout cas, d'accord? On refait le jeu, on fait la rupture la semaine prochaine. Pas de problème, je vais rentrer. Salut Messim, ciao. Est-ce à toi. Je pourrais faire une dédicace, vous allez, vas-y, t'auras gagné ça au moins, tiens. Je voudrais faire une dédicace à la Dream Team, il y a Adam, il y a Dylan, Lucas et Mathias, et je voudrais faire une dédicace à ma copine. Très bien, il n'y a pas de problème. Salut à toi, Messim. Salut. Allez, ciao à Grenoble. Et puis bah Lydia, bah bravo à toi encore une fois là. Et puis bah bonjour à tous les Marseillais. N'oublie pas d'ailleurs hein, d'annoncer hein, la semaine prochaine 23h-2h, on sera sur Fun Radio là tous les soirs pendant toute l'année, d'accord? D'accord, ça marche. Bon bah je compte sur toi. Bravo, salut bravo. À Marseille. Salut à toi Lydia. Gros, ciao. Gros bisous. Je peux... Ouais, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Alors c'est ça ou le casque DJ? Je sais pas, le casque DJ. Allez, vas-y, mais une seule personne. Une seule personne? Une seule personne, il faut choisir la bonne, Lydia. Une grosse dédicace à... au crew. D'accord. Eh ben voilà, comme ça au moins le crew sera reconnu. Salut Lydia, gros bisous. Ouais. Ah ouais, très bien, et allez Marseille. Bon allez, retour au standard. Et puis le casque DJ, donc c'est pour elle. Plein de messages hein. Dorian aussi qui dit waouh Lydia t'as géré. Il y a Chris aussi qui dit mais elle est forte, une petite amie comme elle. Tu dois triper Lydia, tu déchires. L'autre en même temps il drague hein, tu vois. Hop, ouais, bah, hop je te l'ai placé. Ouais ouais. Enzo aussi qui dit oh putain quelle tueuse. Elle assure grave. C'est Roland qui avait envoyé le message. Énorme ta mère, je lui tourne autour. Ouais c'est ce qu'il avait dit en plus. Non elle était pas mal, elle, franchement elle était douée là. Et message de Nicolas qui dit oh non Mickaël tu t'es fait battre ton record là. Ouais, je sais bien, mais je lui ai offert. Qu'est-ce que ouais, tu veux. Mais qu'est-ce que tu veux. Brian aussi qui dit putain la boss, le boss, la chance là qu'il a eu, le beau gosse, le talent. Il a mis la barre haute, Mickaël. Désolé pour toi. Bah ouais, et elle encore plus haute là qu'il y a. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bon, allez, restez sur Fun. Là, on va revenir dans un instant avec notamment Ludo qui apparemment voulait réagir là par rapport au CUNY. Là. T'es là, Ludo? Ouais, je suis là, bonsoir. Ça va bien, Ludo? C'est bon, t'es pas obligé de faire le bruitage, on a compris ce que c'était, CUNY. Bon, j'avais trouvé une info là sur internet comme quoi pour garder sa copine ou son copain le plus longtemps, il fallait avoir des un rapport oral, enfin plusieurs, hein, ça évitait, ça donnait moins envie d'aller voir ailleurs. On verra en tout cas, hein, Ludo. Tu nous en parles dans un instant, tu restes avec nous? Pas de soucis. Bon, bah parfait, et puis on écoutera aussi le son dans un instant de Calvin Harris. Avec Calvin Harris dans un instant. Et puis promis là, je vous fais le tirage au sort. Ouais je suis en la bourre hein. Je vais le faire à 21h30. Mais on a été un petit peu perturbé par cet appel justement là. Ce sera la réponse à la colle dans quelques instants. Ce sera avec Mathieu sur Fun Radio. La bonne soirée tout le monde. Mickaël No Limit. On est là jusqu'à 23h. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000. Mickaël. Mickaël. Tous les soirs, 20h-23h, sur Fun Radio. Bon bah allez, maniez-vous là, il reste 50 minutes d'émission avant l'arrivée de Party Fun tout à l'heure là. Donc si vous voulez discuter avec nous, vous venez parler de ce que vous voulez. On va parler des CUNY dans un instant. Et puis on va parler aussi avec vous, hein, si vous avez un truc à dire. Un coup de gueule à passer, vous êtes les bienvenus. Vous appelez le standard, c'est Sandro qui s'y colle, 01 42 48 5000. Il y a les SMS qui marchent également. Là il faut démarrer votre message impérativement par M-I-K-L. Vous envoyez le tout au 74 900. Et ça fonctionne bien évidemment. Sans oublier le Facebook avec la vidéo de Polo en talon aiguille sur une planche de skate là qui est dispo également là, facebook.com/mikl officiel. Et on va s'écouter évidemment du son là, avant de faire le tirage au sort là pour l'iPod Nano, avant de se faire le tirage au sort pour les places de foot pour aller supporter les Bleus face au Diable Rouge. Ce sera demain à Bruxelles. Les dernières places de foot sont à gagner sur Fun Radio, donc si vous voulez aussi les gagner, facebook.com/mikl officiel. Je vous l'avais promis, le son de Calvin Harris qu'on écoute maintenant, c'est I Need Your Love sur Fun Radio. La bonne soirée tout le monde et bonnes vacances. I need your love, I need your time. C'est Fun Radio et le son de Calvin Harris à l'instant, c'était I Need Your Love sur Fun. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900. Bon, mais si vous voulez prendre le contrôle, là, n'hésitez pas. Effectivement, ça marche par SMS, ça marche sur le standard 01 42 48 5000 et ça marche aussi pour la Belgique 02 851 4x0. Je vous avais promis le tirage au sort pour les places de foot, les Diables Rouges face à l'équipe de France. Ce sera dans quelques minutes sur Fun Radio. Enzo qui dit tof me fait rire. Là, je veux devenir comme lui. Oh bah mec, Enzo, t'es ouf ou quoi là? Eh oui, Enzo. Ça se trouve t'es normal, t'es peut-être un chouette gars, Enzo, ouais. Et tu veux devenir comme ça là? Mais oui, tu seras un vrai mec. D'ailleurs, j'ai trouvé, putain, j'ai oublié de vous en parler. Ah, merde. J'ai trouvé la rue de Toff. Ah oui, j'ai vu. J'ai trouvé la rue de Toff sur le Facebook. Allez voir là. Ah ouais, ils sont cons aussi. C'est à Colombes, dans la région parisienne. Ils ont oublié un O, malheureusement. C'est la rue Buffon. Mais je crois qu'il y a vraiment la rue Buffon, par contre. Bah oui, mais écoute, là, je suis tombé dessus. Toff Vivi, d'ailleurs. C'est bon, bah oui. C'est ça, ouais. J'aimerais bien. Donc vous pouvez aller voir facebook.com/michaelofficiel. Il y a la vidéo aussi, allez voir là, avec les plus belles fesses du monde, paraît-il. Donc allez-y pour balancer vos messages. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Mieux, hein. C'est Laura, donc une Lyonnaise en France, hein, donc forcément qui a les plus belles fesses du monde, paraît-il. Donc allez voir. Et puis la vidéo aussi de Polo en mode skateboard et surtout en mode talon aiguille. Là aussi, à aller voir sur le Facebook. Donc facebook.com/michaelofficiel. Greg qui dit énorme l'émission de ce soir. Ben merci Greg. Les blagues de Toff, au moins une ou deux, ça nous manque. Ouais, ben on verra. Jérémy qui dit bravo pour cette merveilleuse rupture entre le chantage, le mariage et l'imprécision sur l'âge. Elle m'a tué de rire. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Quel âge elle a? Ouais, ben elle a jamais été claire sur son âge. Hein. Pas mal quand même, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Lydia a tout, vous a tous grillé, c'est vrai. Someday là sur le Twitter. Et les blagues de Toff, ça nous manque. C'est Marius qui avait envoyé le message et qui dit je confirme que le cunis ça marche, du moins pour moi. Ça fait 9 ans que ça dure. Oh, quand c'est même, beau. Pas mal, pas mal. Bon, attends, on va prendre Ludo là qui est avec nous là de Toulouse. Ah, non, Ludo, excuse-moi. On va d'abord faire la colle parce que sinon là on va être déjà très en retard. Ludo, bouge pas. Tu attends 5 minutes, Ludo ? Ouais, ouais, pas de problème. Bon, désolé, hein. Mathieu, t'es là ? Ouais. Bon, c'est parti pour la colle là. On appelle maintenant le gagnant ou la gagnante. Répète juste la petite question, s'il te plaît, Matt. Oui, alors c'est trois Russes qui ont un frère en commun, et le frère meurt, après ils n'ont plus de frère en commun, pourquoi? Voilà, bon, on appelle quelqu'un qui s'est inscrit avec une réponse là, qui s'est inscrite ouais. Ou inscrit sur le Facebook de l'émission. Si il ou elle décroche et a la bonne réponse, c'est gagné. Allez, quelle musique horrible, c'est insupportable. Non, c'est moi qui l'ai choisi, hein, c'est bon. Oui, c'est... Et si ça décroche pas, c'est toi qui gagne aussi, Mathieu, attention. Hein. Tu sais jamais que t'as pas de chance là? Ah, ça serait bien. Bah ouais. Allô? Répondeur. Une fois votre message enregistré, ah, dommage. Vous pouvez raccrocher perdu. Et passer dièse pour le modifier. Eh ben bonjour, c'est dommage, je sais pas qui tu es, mais et c'est Mickaël, tu es en direct à la radio sur Fun Radio et on t'appelait pour la colle avec Mathieu. Bon, écoute, on va quand même la poser des fois que le répondeur ait la bonne réponse. On sait jamais. Mathieu pose la question. Donc il y a trois Russes qui ont un frère en commun. Ouais. Et ce frère meurt, après il y a plus de frère en commun. Pourquoi? Ah, alors est-ce que le répondeur a la bonne réponse? Bah, je pense pas, hein. Mais demande-lui. Ah bah non. Mais demande-lui s'il a la bonne réponse. T'as la bonne réponse ou pas? Mais je pense pas quand même. Attends, on va voir. Oui, allô, c'est le répondeur. Allô? Pour réécouter votre message, voilà. Tapez le numéro de votre choix ou tapez étoile. Non, pour ça ne ira, pas laisser c'est bon là, on va pas aller plus loin. Bah écoute, bah c'est gagné du coup, hein. Puisque personne n'a pu répondre. Bah oui, écoute, la personne qu'on a appelée n'a pas donné de réponse. C'était quoi la réponse? Ah, trop bien. C'était quoi la réponse? C'est parce que c'est des femmes. C'est parce que ce sont des femmes, ah bah oui! Forcément! Eh bah ouais! Bon bah Mathieu, c'est la première fois que le poseur de colle gagne par forfait, hein, mais il a gagné tout le jeu! Mais bravo! Bah écoute, comme quoi ça arrive hein, finalement! Bravo Mathieu, tu veux quoi? Tu veux l'iPod Nano ou tu veux le casque DJ? Le casque DJ, eh ben sans problème, tu vas gagner ça et tu vas retourner chez Sandro Standard. On prend toutes tes coordonnées pour t'envoyer ça rapidement. Bravo à toi. D'accord, je te remercie. Avec plaisir. Salut Matt et à bientôt à Dijon. Ciao. Allez, à toi. Bye. Bon, alors tirage au sort pour les places de foot dans un instant et puis Ludo avec nous maintenant de Toulouse, 22 ans. Bonsoir Ludo. Bonsoir tout le monde. Eh, bonsoir à toi, Ludo. Alors, toi, tu voulais réagir par rapport au cunis. J'en avais parlé puisque, tout à l'heure, j'avais dit que j'étais tombé sur un site internet, et c'est vrai d'ailleurs, hein, qui dit que, apparemment, le fait de faire des cunis à votre copine ou les fellations à votre mec, en fait, selon une étude américaine, ces orgasmes provoqués, enfin, eus par cette relation orale, justement, couperaient l'envie d'aller voir ailleurs. Alors, qu'est-ce que t'as ajouté là-dessus, toi, Ludo, dis-moi. Moi, je trouve que c'est complètement des conneries parce que j'en faisais très souvent et ça l'a pas empêché d'aller coucher avec mon cousin. Oh là, le cousin. Ah, je suis désolé, hein. Quelle salope. Avec le cousin? Ouais, ça se fait pas avec le cousin. Ah non, c'est pas bien là. Et le cousin, il aurait pu s'abstenir. Ouais, le cousin aurait pu s'abstenir aussi, c'est vrai. Parce qu'elle est pas y a pas que elle qui est coupable au final. Hein. Bon. Mais après Ludo. Le tout n'est pas de faire un cuni. Il faut qu'elle ait un orgasme. Non, oui aussi, mais il faut aussi bien le faire. Oui. Ah ouais, mais je pense que je me débrouillais pas trop mal quand même, parce que t'en plaignais pas. Si elle est partie, j'ai envie de dire, on va pas remettre la parole des Américains en doute. Surtout pas. Surtout pas. Surtout en ce moment, ils se vexent facilement. Ils écoutent. Voilà, non, parce que les Ricains écoutent, la Washington est à l'écoute. Donc, tu vois, il y a le FBI, la CIA, tout le bordel, NCIS, tout le monde est là. Oh, donc, merde, alors. Ah bah, je te confirme, donc c'est pour ça. I love United States of America. Yes. Voilà. C'était quoi? Il y avait les mots pour être écoutés, c'est bombe. Ouais, non, mais c'est pas la peine de, tu vois, commence pas. Mais non, plus d'auditeurs. Ouais, si on galère en audience, on le fera. Ouais. Tu vois, pour avoir plein de requins qui écoutent en plus, mais bon, on verra. Ils vont nous interdire de l'entrée aux États-Unis, on fera moins les malins là-bas. C'est clair. Bon, et donc du coup, toi, tu le faisais bien, mais elle s'est barrée avec ton cousin. C'est-à-dire, c'est elle qui a chauffé, c'est lui, c'est quoi? Bah, moi, il m'a dit que c'était lui qui avait insisté, qu'elle a pas dit non, quoi. Ah, l'enfoiré! Oh, bah, ça, parce que ça va, moi, il est cool, il te l'a dit, ouais, moi, j'ai insisté, elle a dit oui, bon, je l'ai baisé, quoi. Mais c'est pas bien, ouais, franchement. Voilà, c'est ça. Ah, ouais, bah, ça, c'est classe. Il l'a dit, quoi, c'est déjà, voilà, je trouve ça déjà bien, quoi. Et donc, tu en veux, t'en veux à ton cousin ou pas? Ah non, pas mon cousin, à elle, j'en veux de... Donc, alors, attends, ça veut dire que elle, va le chauffer, lui, te prévient, mais après avoir couché avec elle, et tu lui en veux pas. Parce que si vraiment il avait, enfin moi, imaginons, c'est-à-dire que j'ai mon cousin, il y a une meuf, sa meuf qui vient me chauffer, je vais le dire à mon cousin, je vais pas la baiser la meuf. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas elle qui l'a chauffé, hein, c'est lui. C'est le cousin. Ah pardon, j'avais pas compris, mais alors c'est encore pire. C'est-à-dire que c'est lui qui la chauffe, tu ne parles plus à ta meuf parce que la foutée, voilà. Mais par contre, tu continues à parler à ton cousin, ça c'est fort. Non, je parle plus aux deux, mais bon, je veux dire, il a été cool de me le dire, quoi, parce que ça m'a permis d'ouvrir les yeux. Ouais, il a été cool, ouais. Ah, parce que t'étais, en fait, quand ça s'est passé, t'étais toujours avec la meuf. Ah, bien sûr. Ouais, bah oui, bien sûr. Oh là là là là. C'est vraiment un enfoiré. Oh là là là. Ah ouais. Non, c'est pas mal. Il y a Brian qui dit le bâtard, tu l'as défoncé, j'espère. Il y a Enzo qui dit putain le cousin, quoi. Il y a encore Enzo qui dit le cuni, je vous garantis une fidélité, Michael. Ah, bah, très bien. Écoute, Enzo, laisse ton numéro, on va t'appeler, là. Il y a Jonathan aussi sur le Twitter qui dit reste à savoir s'il le faisait bien. Bah, c'est ça, en fait, hein, c'est ça. Et Eric aussi sur Facebook qui dit c'est nul, c'est le cousin qui a eu le beau rôle dans l'affaire. Bah, c'est ça, au final. C'est-à-dire que tu l'as remercié, il s'est tapé ta meuf, il était bien, hein. Tu lui as demandé s'il avait kiffé ou pas? Ouais. T'as demandé si c'était pas mal? Ouais, je lui ai demandé quand même au cas où, mais bon. Non, bah, c'est ça. Et Damien qui dit, j'adore vos émissions, je travaille super tard, ça m'aide, à pas m'endormir. Bah, écoute, tant mieux, hein, si on peut servir à quelque chose, Damien, nous, c'est avec plaisir. Bon, bah, écoute, Ludo, bah, ce serait bien d'avoir une fille au téléphone, là. 01 42 48 5000, mesdemoiselles, là, je vous attends. Ou alors, pour la Belgique, 02 851 4x0. J'aimerais avoir une fille qui vienne me confirmer cette étude américaine, comme quoi les filles auraient tendance à moins les voir ailleurs, ouais, si le mec est bon en sexe oral. Voilà. Et je suis prêt à donner de ma personne si on doit tester. Je suis là. Oh bah, non, mais quelle bonté. Je suis prêt. Attends, mais faut bien que. Voilà. Bon, et Wendy qui dit. Pareil, moi, je suis prêt à me donner de ma personne pour savoir si tu as le gentillesse, tu vois. C'est ça, les auditeurs de fun. Ouais, il y a Wendy aussi qui dit, Mickaël, en gros, ça veut dire que si t'as une nouvelle meuf, il peut recommencer avec elle et ça te dérange pas. Ah, bah oui, c'est vrai, non, ça, non. Du coup, non? Bah, non, il n'y a pas moyen. Non, mais comme ça, il la teste pour voir si c'est une connasse ou pas. Ouais, ça au pire pourquoi pas, ouais, mais qu'il aille pas plus loin cette fois, quoi. Ah ouais, donc il peut quand même essayer. Ok, ouais, bah, ok. Ouais. Non mais c'est pour qu'il soit sûr, tu vois, que c'est du bon matériel. En tout cas, Toff aimerait bien t'avoir comme cousin, Ludo. Ouais. Hein. Ah bah si on pouvait être cousin, moi ça me plairait bien. Ah bah ouais, ça c'est même faux cousin, c'est pas grave. Hein. Y a Enzo qui dit, moi le cousin, il peut aller se faire foutre. Ah bah ça c'est sûr. Et alors Noam qui dit, vous êtes super, continuez comme ça. Et Marie qui dit, peux-tu faire juste une dédicace à Alexandre de la part de Marie, sinon fun, c'est génial. Bah voilà, écoute, nous aussi on peut rendre service. Et Habib aussi qui dit, éloigne ton cousin de ta nouvelle meuf. Oui, c'est mieux, hein, fais attention. On ne sait jamais, Ludo. Bah merci en tout cas d'être passé. Célibataire, donc. Ouais, mais quand tu vas pas rester célibataire toute ta vie, tu vas bien finir par trouver. Pas, non. Bah voilà, bah, j'imagine. Bon bah Ludo, écoute, en tout cas, merci à toi d'être passé. Tu reviens quand tu veux sur Fun. Y a pas de souci, merci à vous. Salut à toi, bientôt Ludo. Bonne soirée, ciao. Allez, ciao à toi. On aura aussi Thomas dans un instant là, qui est déjà avec nous. Thomas, 23 ans, t'appelles pourquoi de Tours? Ouais, salut. Ouais. Ça va? Ça va et vous? Bah ça va, tranquille, tranquille. Alors Thomas, toi tu nous appelais pourquoi? Bah en fait voilà, je suis avec ma copine depuis un peu plus d'un an. Ouais. Et en fait pendant une soirée il y a quelques temps de ça, on a abordé un petit sujet assez sympa sur le coup de la rigolade en fait, et par rapport à un plan à trois en fait. Et en fait ma copine m'a comment dire m'a dit qu'elle serait intéressée quoi. Et donc, sur le coup de la rigolade, bon, j'ai pas trop relevé, quoi. Mm-hmm. J'ai réfléchi à ça, je lui en ai reparlé 2-3 jours après, plus sérieusement, et en fait, bah non, elle serait vraiment intéressée pour essayer un truc avec une deuxième fille, en fait. Ah, sympa! C'est bon, ça! Voilà. Ah ouais, c'est plutôt cool! Donc, bah, du coup, on recherche une troisième partenaire, enfin, une deuxième partenaire. Mais c'est marrant que tu viennes parler de ça, justement, parce que ce matin, je tombais sur une info sur Facebook, là, qui disait qu'aujourd'hui, les gens trouvaient ça normal d'avoir un coup d'un soir, là. Il y a à peu près 70% qui voyaient pas d'inconvénient, ce que ce soit avec une personne du même sexe, par exemple. Donc, t'es en plein dedans, au final, Thomas, là. C'est ça, ah, ouais. Tout à fait. Bah dites-nous vous aussi, tiens les filles, les garçons là, est-ce que vous avez déjà fait des trucs à trois? Est-ce que c'était avec deux mecs, deux filles? Comment ça s'est passé justement? Et puis si vous avez des conseils aussi à donner à Thomas là, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bah tu restes avec nous Thomas. Ok, y a pas de souci. Bon bien sûr le 02 851 4x0 ça marche si vous êtes en Belgique et l'autre ça marche si vous êtes en France, bien entendu. Je rappelle également que si vous êtes d'ailleurs à l'île de la Réunion, etc., etc. Bref, ailleurs qu'en Belgique ou en France, vous pouvez aussi nous appeler. Il suffit à ce moment-là de faire le 00 33 1 42 48 5000 et vous tomberez quand même sur Sandro, bien entendu. Thomas, tu restes avec nous et puis bah dans un instant, dans moins de 5 minutes, tirage au sort définitif pour savoir lequel d'entre vous ira direction Bruxelles pour assister au match donc des Diables Rouges face à l'équipe de France. Ce sera donc demain match amical, mais quand même gros match, hein. Il y aura quand même pas mal de gros stars qui seront présentes sur place. Donc on fait ça dans un instant, le temps d'écouter le son de Jennifer Lopez, Gilo avec Pitbull qu'on écoute maintenant sur Fun Radio avec Live It Up. Bonne soirée tout le monde, on est là jusqu'à 23h, c'est Mickaël, voilà, moi je suis là jusqu'à 23h avec vous, Mickaël No Limit. Bonne soirée, bonnes vacances tout le monde. C'est Fun Radio et Gélio à l'instant sur Fun et Pitbull, Live It Up. Restez là aussi, je vous cale dans un instant le son de Martin Garrix avec Animals. Son que vous avez découvert dans Party Fun d'ailleurs, qui va débarquer dans 30 minutes, la Party Fun sur Fun Radio, là pour vous faire la teuf pendant tout l'été. Voilà, Martin Garrix, ce sera dans un instant sur Fun. Si vous voulez écouter Martin Garrix ou autre chose, hein, n'hésitez pas à demander. Hein. Hashtag et Mickaël sur Twitter, il n'y a pas de problème. Tiens, il y a un message de Mélanie qui dit tu l'as pris comment et qu'elle veut y faire un plan à 3 justement. Est-ce que t'es content, tiens Thomas, toi, t'es content ou pas? Ah bah ouais, carrément ouais. Ah bah tu m'étonnes, contrairement à être étonné, tiens. Il y a Thibaut qui dit bah fonce mec, là tu te rends pas compte de la chance que t'as. Bah oui justement, tiens. Hey, tu te rends compte de la chance que t'as? Tu t'en rends compte ou pas? Oh que oui. Toi, Toff, tu refuserais, toi, si ta meuf vient pour te faire un plan 3. Évidemment. Je pourrais scandaleux. Jamais accepter qu'une meuf vienne me dire comme ça, on va faire un plan à 3. Tu me laisseras son numéro, hein. Oui, bien évidemment. Parce que je rappelle que Toff, évidemment, s'est mis, La grâce de Jésus, notre Seigneur, soit toujours avec vous. Exactement. Oui. Je pense que encore une fois vous êtes dans le péché, Mickaël. Non, moi je suis pour rien, moi. Encore une fois, vous incitez vos jeunes auditeurs à la débauche, la luxure. Je n'incite à rien du tout, mon père. Et des plaisirs charnels qui je sont. Je n'incite à rien. Réprimés. Vous avez vu, je vous ai mis votre musique. Oui, je propose que tous ensemble, dans la paix du Seigneur, nous prions. Amen. Ah bah alors voilà, vite fait, alors hop, terminé. Bon, alors Thomas. Oui. Tu voulais dire un mot à mon père ou non? Non, ça va. Non, bon, très bien. Au revoir mon père, hein. Bonsoir. Très et bien. Surtout, pensez à vous confesser, vous en avez besoin. Voilà. Allez, hop, comme ça on a fait notre BA quotidienne, on est tranquille. Il y a un message de Chris qui dit les soirs d'été passent beaucoup plus vite depuis que Mickaël et la team sont arrivés sur Fun, continuez comme ça, vous êtes énormes. C'est gentil Chris. Il y a Madalife aussi qui dit sur Twitter, les gars et les meufs, c'est comme les boomerangs. Si tu tires, eh ben ça revient. Eh ben merci Madalife. Et alors Mélanie qui dit prêt à donner de la personne, mort de rire. Bah oui, nous après c'est vraiment ça, c'est nous on nous a dit bah si vous venez sur Fun, faut être ouvert, faut être proche des auditeurs. Voilà. Alors nous on est hein. Moi je veux bien être très proche des auditrices surtout. Ça ne m'étonne pas. Bon attends, on va prendre Momo aussi dans quelques instants qui voulait réagir. Manu également, c'est marrant, que des mecs. C'est marrant, ouais, Thibaut aussi, que des mecs. Je veux des filles, les mesdemoiselles là. 01 42 48 5000, appelez le standard. Si vous avez déjà eu l'occasion de faire des plans à plusieurs, est-ce que vous avez proposé, est-ce que c'est votre mec qui a proposé, comment vous avez réagi, oui, non, bref, tout ça dites-nous. Si vous avez peur qu'on vous reconnaisse, on peut changer votre nom, il n'y a pas de souci. 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0. Bon, et en parlant de Belgique, demain c'est Belgique-France là en football et donc on va appeler le gagnant maintenant là. Bouge pas Thomas, on appelle le gagnant. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche, eh bien il ira direction le Stade Roi Baudouin à Bruxelles pour assister au match amical Belgique-France. Attention. Allô. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Kevin. Kevin, tu fais quoi demain soir là? T'as un truc de prévu? Non, rien du tout. Eh ben voilà, tu vas aller, hein, grâce à Fun Radio, pour aller assister au match. Eh ouais, c'est les Diables Rouges face à l'équipe de France. Et tu seras aussi notre envoyé spécial, Kevin. Arrête. Eh ben ouais, tu vas y aller, hein, avec la personne de ton choix. Tu vas avec qui, dis-moi? Ah bah visiblement avec le mec derrière, non? Ouais, voilà, c'est ça. Comment il s'appelle? Yuva. Yuva. Ah, Yuva, d'accord, ok. Très Yuva. Bien. Bon, bah, vous serez tous les deux nos envoyés spéciaux demain au Stade Roi Baudouin. Bah, bravo à vous en tout cas. Ah oui, ça rappelle les souvenirs. Bon, ouais, eh ben Kevin, tu restes au standard, on va t'expliquer comment ça se passe pour choper les places, okay. Tout ça. Et demain, okay, on te reprend évidemment à partir de 20h là dans l'émission pour voir un peu comment ça se passe au Stade Roi Baudouin pour ce match amical entre les Diables Rouges et l'équipe de France. Bon, okay. Ben salut Kevin. Salut Maxime, bonne soirée. Eh ben bravo à toi surtout, bravo à toi et puis bravo à tous ceux qui ont participé également. Oh ben rassurez-vous, on aura d'autres places de foot à vous offrir, hein, pour les Diables Rouges, pour l'équipe de France, peut-être même pour d'autres équipes. On verra ça. Il y a Lali aussi qui dit ok le cousin, je suis sûr que tu l'aimes. Ah, attends une seconde, Thomas. Ah ben non, on l'a perdu celui-là, c'est tout à l'heure l'auditeur qui avait dit que sa meuf s'était barrée avec son cousin. Enfin, c'était pareil, avec couché avec son cousin. Oui, c'est ça. Elle avait juste couché, mais elle était restée avec lui. Elle trouvait ça bien. Voilà, c'est ça. C'est classe, quoi. C'est tranquille. Bon, et Thomas, donc qui est là, qui nous avait dit que il avait un plan à trois qui était sur le grill, quoi. C'est ça, hein. C'est ça. Enfin, voilà. Il nous faut. On cherche encore la troisième personne. Mais ouais, c'est ça. Mais enfin, attends, vous êtes tombé d'accord avec ta meuf, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, attends, il y a Momo aussi qui est là, qui appelle de Nantes. Là. Salut, Momo. Salut, bonsoir. Ça va? Bonne soirée. Bon, là, avant tout, je m'excuse auprès de vous et tous les auditeurs parce que ils n'arrivent pas à bien articuler les mots. Oh, t'inquiète pas, nous aussi on a du mal à articuler, ça, t'inquiète pas. Non, c'est pas ça parce que j'étais opéré récemment au niveau de la mâchoire, donc... Y a pas de souci, Bobo, qu'est-ce que t'as à dire, dis-moi. Voilà. Ben, c'est au sujet de l'étude que vous avez, vous venez d'en parler. Non mais lequel? Question à l'amour par voie. Ah oui d'accord, donc rien à voir avec Thomas, d'accord, très bien. Bah alors bouge pas Thomas, on va te reprendre dans un instant. Oui, c'était par rapport à l'article sur lequel je suis tombé qui disait que pour garder votre copain ou votre copine plus longtemps, rien de tel que le sexe oral, donc fellation ou cuni. Voilà. Hein, apparemment ça aide les mecs et les filles à rester auprès de leur copain ou copine, c'est bien ça? Oui c'est clair. Ah, et toi au niveau avec l'opération de la mâchoire, ça va être la galère, non? Oh, je m'en fous du moment que j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis avec qui on parlait, enfin, que ça se passe, je m'en fous. Bon, voilà. Alors c'est quoi ton avis là-dessus, sur ce sujet? Eh ben, c'est pas parce que c'est une étude qui a été faite en Amérique, mais j'ai dit oui, que c'est vrai. Ah, toi tu trouves que c'est vrai? Oui. Bon, ben non, mais très bien. Après, c'est vrai, il faut avoir aussi l'avis des filles. J'aimerais bien avoir l'avis des filles aussi là-dessus pour voir si elles sont d'accord ou pas, là. Donc, toi, t'as déjà testé, donc tu penses qu'effectivement, plus il y a de rapports oraux, plus c'est. Plus on arrive à garder la copain-copine. Oui, parce que généralement, je trouve que la plupart des hommes sont un peu. Comment dirais-je les mots m'échappent. Mais c'est pas grave, hein. Oui, bah c'est ça. On m'échappe. Ils aiment que des filles leur fassent des choses, par exemple. Quand il s'agit de sucer ou quelque chose comme ça, ils se prennent pour des rois. Mais quand la fille demande à son mec de la lécher, par exemple, ah non, je trouve pas dégueu. Oh ben non, attends, ça dépend, il y en a qui adorent ça. Ah ben ouais, j'adore. Bah non, mais après, il y en a qui adorent ça. Attends deux secondes, Momo, là, il y avait aussi... Où est-ce qu'il est? Il y a... Attends, ça c'était pour l'instant. Attends, il y a Sophie qui est là, voilà, on a une fille là, ça y est. Salut oui. Sophie. Bonsoir tout le monde. Comment va la Bretonne? Oui, la Bretonne qui est là, ouais. Bon, bah très bien. Alors, toi, tu voulais réagir, toi, par rapport à cette étude américaine, justement, qui disait que, apparemment, pour garder son mec ou ou sa copine le plus longtemps possible... sans qu'il ou elle aille voir ailleurs, ou en tout cas qu'il y ait moins de chances qu'il ou elle aille voir ailleurs, c'était avec grâce au sexe oral. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Sophie? Ouais, moi, je pense que je vais faire beaucoup de mal aux hommes. Énormément de mal. Pourquoi? Aïe. Elle préfère avec le beurre salé, elle. Avec le gravier, le sel, non, le sable. Pas ça. Parce que Parce que les hommes ne savent pas le faire. Ah! Quoi, ça peut faire de culi, voilà. Mais c'est peut-être, t'es peut-être tombé sur des mauvais aussi. Non. Je pense qu'il y a un homme sur 10 ou sur 20 qui savent où est un clitoris et qui savent le faire. Ah, mais ouais, ça après. Non, mais après, il y a effectivement des gens qui vont comme des bourrins et qui savent pas et qui sont persuadés que toute la zone hétérogène, alors qu'en fait, pas du tout. Il y a juste un espèce de petit point là qu'il faut trouver, évidemment. Ah. Et voilà. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup d'hommes qui le trouvent, justement. C'est vrai. Donc, alors, ça veut dire qu'un mec sur 10, donc on n'est pas 10, donc ça veut dire qu'entre Tof, Polo et moi, donc il n'y a que moi, quoi. Enfin, ça, c'est un V1 sur 3, quoi. Bah, je comprends pas, moi je croyais qu'il fallait baver sur toute la zone. Non, mais c'est vrai. Même en caressant n'importe quoi, il y a un homme sur 10 qui sait quoi faire, quoi. C'est ça qui est affolant. On sent que c'est du vécu, hein, Sophie. Hein. Un petit peu, oui, justement. Et puis, oui, mais les mecs réagissaient, quoi. Non, mais après, attends, et d'accord, ok. Mais après, si je puis me permettre de faire l'avocat du diable, il y a aussi des meufs qui sont pas douées dans le domaine non plus. Hein. Ah, bah, bien sûr, il y a nanas qui sont pas du tout ce que c'est que. Ce qu'il faut faire. Mais on parlait du puni, donc par rapport à une nana. Ah non, on parlait du sexe oral. Ça veut dire que ça peut être la fellation ou le cuni. Hein, on n'est pas forcément que là-dedans. Je suis partie là-dessus, donc et puis voilà, c'est tout. Mais c'est tout ce que je voulais dire. Mais on t'a entendu, Sophie. En tout cas, c'est bien gentil d'être passé. Il n'y a pas de problème. Sophie, et on embrasse toute la Bretagne. Et trempé dans le chouchène. N'importe quoi. Non. Arrêtez de vous faire une fixation sur la Bretagne. On est tous roux, il pleut tout le temps et tout. C'est pas vrai. Mais pas du tout, Bretagne. Pas du tout. Mais est-ce que tu ranges tes cheveux dans cette espèce de grande coiffe blanche? En faisant du biniou. C'est ça. Mais bien sûr. Bon, ben Sophie, je te fais des gros bisous en tout cas. Ok. Et bonne soirée, à bientôt. Bonne ciao à toi. Bye bye. Retour avec Thomas dans un instant. Il y a également Sandra qui est là, tiens, de Dijon là. Salut Sandra. Bonsoir. Ça va bien Sandra? Ça va et toi? Bah tranquille, ouais. Toi tu voulais réagir par rapport au plan 3. C'est Thomas qui nous a expliqué qu'en fait sa copine est d'accord de faire un plan 3. Donc il cherche en fait une deuxième fille pour mettre dans ce plan 3 justement. Et donc je vous avais demandé si vous aviez déjà essayé, pratiqué. Est-ce que votre mec est venu vous demander, vous avez répondu quoi ou inversement? Et donc en l'occurrence, toi Sandra, ça s'est passé comment? Alors moi j'ai pratiqué et on m'a demandé, c'est mon copain qui m'a demandé. Oh. Et t'as dit oui, dit non directement, t'as dû réfléchir? Non, j'ai dit oui parce que pour moi c'est une façon de s'amuser à deux. Ouais. Que, du coup c'est comme si on évitait de se tromper, on est consentant. Du coup c'est génial, on partage plein de choses à deux et pour moi je suis tout à fait d'accord. Ah voilà. Ouais. Mais alors du coup là vous avez fait ça avec une fille ou avec un mec en plus? Avec les deux, on est plus échangistes. Voilà. Je veux bien échanger Tof, moi, ça. Combien mesures-tu? Ah bah oui, tiens, évidemment. Évidemment. Alors, on va être étonné, Sandra, je t'écoute. Combien mesures-tu? 1m75. Combien pèses-tu? Elle est grande. 60. Quel est ton tour de poitrine? Ouh, 90. Et la petite lettre? La petite lettre, ouais. 90, c'est... Waouh. Et la taille du dernier pantalon? Comment? La taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Écoute, c'est parfait. Écoute, moi je couche avec toi et ton mec prend Tof. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Bah tu viens. En fait, on va envoyer Tof chez toi et puis nous tu viens dans les studios. Alors, voilà. on va faire un bon échange. Bon, il y a un des deux qui va se faire entuber dans l'affaire, hein. Mais c'est face aux écalonniers. Mais merde. Bon, attends Sandra, deux secondes, il y a Thomas, on va le récupérer dans quelques instants. Il y aura Thibaut aussi dans un instant et puis on va se mettre comme promis le son de Martin Garrix. T'aimes bien toi Sandra, Martin Garrix? Bah ouais. Eh ben on va se le mettre dans un instant, alors ne bouge pas de là Sandra. Allez, c'est Mickaël No Limit, on est jusqu'à 23h avant l'arrivée de Party Fun sur Fun Radio. Bonne soirée, bonnes vacances tout le monde. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900. No Limit sur Fun Radio. Et c'est Joachim Garraud qui va prendre l'orlais dans un instant avec Party Fun là aux alentours de 23h. Et puis en vrai ce sera évidemment Adrien, Joachim Garraud pour toute la nuit jusqu'à 1h. Et puis à partir d'une heure, Adrien tout seul jusqu'à 6h pour Party Fun. Et c'est Joe aussi après hein, pour le morning. On aura l'occasion évidemment d'en reparler un petit peu après. Ça tombe sous le sens. Et puis la suite évidemment hein, en direct dans toute la France. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Profitez de la semaine là. On est là de 20h à 23h. Vous envoyez évidemment tous vos messages si vous voulez. discuter tous ensemble avec les auditeurs avec nous sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel, bien évidemment. Sur le Twitter également, vous tapez MIKL officiel pour nous rejoindre, et pareil également sur l'Instagram. Voilà, et puis le numéro du standard, hein, de Sandro qui décroche, 01 42 48 5000, où que vous soyez en France ça fonctionne, et si vous êtes à l'étranger, 00 33 42 48 5000 également. On va s'écouter un son que vous kiffez bien, et nous aussi d'ailleurs, ça tombe bien, c'est Martin Garrix, c'est découvert justement dans Party Fun, tiens, c'est Animals maintenant sur Fun. La bonne soirée, bonnes vacances tout le monde. Bonne soirée avec Fun Radio, la partie fun dans moins de 10 minutes. Martin Garrix à l'instant, son de Animals sur Fun. Il y a Max aussi qui a envoyé un message sur Facebook. Je vous adore, je vous écoute depuis que vous avez commencé, continuez comme ça. Bon, on n'a pas l'intention d'arrêter, figure-toi Max, c'est gentil en tout cas. Camille qui dit vous êtes géniaux, continuez comme ça aussi, même si vous m'empêchez de dormir, c'est cool. Bah écoute, c'est bien, au moins tu te marres, en tout cas j'espère. Lily qui dit pas eu l'occasion, mais étant célibataire, c'est le moment de tester une fois en couple, c'est mort, trop jalouse. Ah bah ouais, là, évidemment, faire un plan à trois quand on est hyper jaloux, après ça pose un problème, hein, ça. Je on suis est ouais, c'est ça. Thomas qui est de retour, donc qui nous avait appelé parce que donc sa copine avait proposé un plan à trois et donc il cherche la troisième personne. Sandra qui avait déjà eu l'occasion de tester, c'est bien ça Sandra? Eh oui. Et est-ce que justement t'as un conseil à donner, toi, comme t'as l'air d'être une spécialiste dans le domaine, Sandra? Faut pas être jaloux. Ah oui, non, ça c'est sûr. Ça sert à rien, sinon c'est... Juste. Ouais, Sandra, moi je voulais savoir, c'était avec un autre mec ou avec une autre fille? Et les deux, ils ont essayé. Ah, les deux. Avec pardon. Les deux, on a fait avec une fille, un garçon et puis un couple. Ah, bon, ah, bah, ouais, ça, donc vous avez fait à quatre à maman, quoi. Oui, oui. Ah ouais, donc toi t'as fait full option, à la cool. Non, mais t'as bah, raison, hein, il faut, voilà. Faut. T'as raison. Attends, il y a aussi Cynthia qui est avec nous de Toulouse, là. Salut Cynthia. Salut. Comment ça va, Toulousaine? Bah, ça va. Bon, bah, tant mieux. Bon, Cynthia, t'avais un conseil à donner à Thomas? Ouais, moi je suis pas trop pour, en fait, justement, comme disait Sandra, moi je suis hyper jalouse. Donc, ah merde. C'est pas possible. Ah bah c'est ouais. Mais ton mec t'a déjà proposé ou pas? On m'a déjà proposé, j'ai refusé tout de suite, hein. J'ai pas tourné la question, j'ai refusé tout de suite. Honnêtement, j'ai dit non. Je peux pas m'imaginer avec une autre fille, même un autre mec. Hein. Ah ouais? Pas possible. Non, mais je vois ça, effectivement. Après, bon, et on peut tester des nouvelles choses, des petits jouets, des petites tenues, etc. Mais les plans à 3, à 4, à 5, non. Ah ouais, ça tu veux pas. Mais pourquoi? T'as peur que quoi? T'as peur qu'il se barre avec une autre fille ou... Non, je sais pas, ça me gêne de le voir avec une autre personne dans le même lit. Je veux dire, c'est... Il m'appartient, quoi. Je peux pas le voir avec une autre personne. C'est ta chose, c'est ton objet. Ouais, exactement. Ok, non mais pourquoi pas après, hein, c'est vrai que c'est ton avis. Et quand tu l'as proposé, quand ton mec t'a proposé de faire ça, ton mec ou ton ex, un peu importe, tu as répondu, t'as réagi comment? J'ai un peu mal pris quand même. Ah ouais, carrément? Ouais. Je te bon, suffis pas, c'est ça que tu veux dire. Ouais, mais c'est ça aussi, c'est vrai, quand on a peut-être tendance aussi à se dire, ouais, s'il veut tester avec une autre meuf ou avec un autre mec, c'est peut-être parce qu'au final, ouais, c'est ça, je le satisfais pas, quoi. Ouais, je me suis posé la question, je lui ai demandé, mais je satisfais pas pour que tu me demandes ça, il me dit si, mais j'ai envie de tester d'autres trucs. Ouais, c'est ça, c'est en fait, moi, pour les mecs, j'ai plus l'impression que c'est comme tester avec un sextoy ou un truc comme ça, c'est juste un truc en plus, tu fais une fois, et puis une fois que t'as fait, tu passes à autre chose. Mmh, ouais. Ouais, mais j'ai peur que justement, si ça lui plaît, qu'il a envie de le faire tout le temps, quoi. Ouais, mais après, sauf si c'est toi qui gères la meuf en plus, que tu prends une meuf qui est vraiment dégueulasse, qui en plus t'es sûr qu'elle soit mauvaise, là le mec il va se dire oh putain je suis avec une bombasse là finalement, c'est pas la peine de tenter le diable. Ouais, c'est sûr, enfin moi je voudrais pas d'une fille comme ça dans mon lit, quoi, je trouve ça dégueulasse. Ouais, bah faites ça à l'hôtel, hein, comme ça vous êtes tranquille. Quand je dis dégueulasse, c'est qu'elle est pas super belle, quoi. Ouais, je vois. Ouais. C'est que t'es 100 fois mieux qu'elle. Ah, ça pourrait, je sais pas. Peut-être dans l'avenir, ouais, mais je sais pas. Moi, c'est vrai que non, mais après, je t'incite pas à le faire. Hein. Si tu veux pas le faire, y a pas de problème. Et toi, Sandra, t'as pas du tout cette réaction-là, toi, le fait de dire ah bah non, bah, du coup, je le satisfais peut-être pas. C'est peut-être pour ça qu'il veut voir ailleurs, non? Bah, c'est vrai qu'au début, je me suis quand même posé la question, mais au final. Je suis malade. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. J'ai un problème avec ma voix. C'est pas gentil. Non mais on se fout pas de toi, c'est pas du tout ça, Sandra. Tu peux dire ton vrai âge, y a pas de souci. Oui, hein, tu peux 67 ans. Ok, j'ai 70. Ah, d'accord, j'avoue. Oui, ah quand même. Hein. Tu fais pas ton âge, Sandra, c'est bien. Bon, tu disais donc. Non, c'était que au début j'avais peur comme elle disait, mais en fait je me suis dit qu'on est jeune. Coucher avec tout le temps la même personne quand on a mon âge, c'est-à-dire même pas la vingtaine. ça paraît difficile au long terme. Du coup, on a trouvé une solution. Mais je te rassure, hein, Sandra. Hey, je t'interromps, je te rassure, mais le mec que t'as aujourd'hui, là, tu le garderas pas, hein. Ouais. Ah, si, si, si. On est fiancés. Ouais, mais ça veut rien dire. Ça fait combien, ça fait combien de temps que t'es avec lui, Sandra? Ça fait 5 ans. Oh là là, t'avais 14 ans, c'est sérieuse? Et oui, oui. Et tu imagines tout ce qu'ils ont expérimenté depuis? Ah bah ouais, non, mais d'accord. Bravo, mais... les deux. Hein. Et c'est ton premier mec? Eh oui. J'allais dire, mon truc tient plus là, parce que quand je dis ouais, mais en général, quand c'est le premier mec, t'as toujours envie d'aller voir ailleurs. Bon, là, vous avez fait finalement. Donc... Mais tu vois, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils ont eu envie d'aller voir ailleurs, ils ont été voir ailleurs ensemble. Ouais, c'est vrai, voilà, c'est vrai. Il n'y a pas de tromperie, on s'aime toujours autant. Enfin, ça, voilà. Tu sais pas, il a peut-être quand même été voir ailleurs, on sait jamais, hein. Bah, donc, du coup, il pourrait se poser la question avec moi, du coup. Mais ah non, oui, bah, tout à fait. Je pense pas. Bon, bah, écoute, bah, très bien. Bah. C'est beau l'amour. Bah, ouais, bah, Thomas, tant qu'on a affaire à une experte là, t'as une question à poser, on sait jamais. Non, bah non, parce que nous c'est vraiment on aborde le sujet pour comment dire, c'est une façon de ressentir aussi du plaisir de tous les deux. Voilà, c'est on fait pas ça. Je veux dire, elle a pas abordé le truc en se disant que voilà, c'est, le plaisir c'est moi qui allais l'avoir, étant donné que justement on recherche une femme qui soit capable de lui donner du plaisir aussi à elle. Donc voilà, c'est pour avoir du plaisir à trois, essayer ça quoi. D'accord, bah écoute, très bien, bah écoute, s'il est d'accord, t'es d'accord, bah y a plus qu'à trouver une fille, et puis bah je vous souhaite bonne chance en tout cas Thomas. Hein. Et tout le monde est d'accord. Merci. Exactement, ouais. Bah merci Thomas d'être passé, puis embrasse ta copine, merci aussi à Cynthia et à Sandra, hein. Gros bisous les filles. Bisous. Allez, je vous embrasse, ciao à vous, bye. Bon, bah là on est à plus le temps là, malheureusement, il y a Thibaut qui est quand même là de Massa, salut Thibaut. Oui, salut. Comment on va? Ouais, bah bien toi. Bah ça va bien, ouais. Bon bah Thibaut, du coup c'est le dos ou massa les pieds? C'est drôle ça, dis donc. Tu disais Thibaut? Bah je peux pas trop parler là, je peux quand même passer une grosse dédicace. Bah écoute, attends, justement, c'est quoi ton problème en deux mots là? On en parlera demain du coup, hein, mais c'est quoi ton problème en deux mots? Ouais, en deux mots là, je peux pas trop en parler vraiment, on pourra en reparler. Ouais, mais j'aimerais bien, bah alors trouve des autres mots là, essaie de trouver des autres mots pour expliquer ton problème. Ah ben demain je vous rappellerai. Non ben en gros tu vas me dire, parce que je le vois dans le standard moi, apparemment t'as la goule depuis une semaine. Voilà. C'est pas vrai. Bon non, tu me diras, t'es plus un jour près hein. Mais t'as pris des pilules bleues? Ah non j'ai rien pris non. Parce qu'il y a des fausses qui circulent en ce moment sur internet. Ah bon? Ouais. Ah, méfiez-vous avec ces conneries là hein, c'est vrai hein. Parce que moi j'en achetais tu vois et tout, mais non je me méfie. Ah t'as des problèmes pour bander Sof? Non mais j'aime bien bander longtemps. Ah génial. Ouais oui, pendant 3 jours, c'est bien hein. C'est génial d'avoir le dos là qui est au taquet. Attends, c'est pendant les repas de famille, il a pas l'air con avec son truc. Avec mémé en fait, moi je tape soupe. C'est ça, quelle horreur. Bon bah on en parle demain Thibaut alors hein. Ouais, je peux passer une gold dédic. Allez vas-y, à une seule personne. Thibaut. Ah non, un peu plus tard. Ah si, non. Thibaut, une seule personne. Il est une excuse, tout le sang est dans le pénis alors. C'est vrai. Une seule personne, choisit la bonne, Thibaut. Alors, je choisis Laurie, Théo. Hop là, tu vois, tu vas en fumer Thibaut. Ah là là là là là là, on le récupérera demain hein, Thibaut, avec sa gaule hein. C'est un jour au taquet, ça fait plaisir quand même, c'est bien. Jérémy qui dit, pourrait-on se faire bénir en fin d'émission? Ah bah attends, il faut que je rappelle mon père là. Oh là là, une seconde, déjà la musique. La grâce de Jésus notre Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Amen, évidemment, bien entendu, tout à fait, oui. Mon père. Oui, mon fils. Bon, des auditeurs ont demandé votre bénédiction avant d'aller dormir. C'est Jérémy, là, qui demandait ça. Mais bien sûr, et par le Saint-Esprit et les pouvoirs qui me sont conférés. Bienvenue sur Radio Notre-Dame. Je vous bénis et vous souhaite à tous de vous reposer et surtout fouiller le péché. Très bien. À la place de cette chanson, qui est quand même, bon, un petit peu vieille, Lady Gaga. Mon Dieu, mon fils, oh là là, elle est le péché à elle toute seule. Oh non, elle est gentille, Lady Gaga. Vous avez vu sa dernière photo là? Oui. Oh, elle est sur son canapé là, à moitié nue. C'est scandaleux. Ah non, c'est le corps d'une femme, c'est beau le corps d'une femme. Oh là là là là, je me suis fouetté avec des orties pendant 2 jours après l'avoir regardé. Quel cinéma. Bon bah, au revoir mon père. Hein. Oui, bonsoir. Allez, oui, au revoir, oui. La grâce de Jésus, notre Seigneur, soit toujours avec vous. Ah bah tant mieux. Allez, au revoir mon père. Hein. Au revoir, mon fils. Très bien. Bon, ben voilà, Jérémy, hein, et pas tous les soirs, hein, ces conneries-là, parce que sinon, il y a un moment, ça va commencer à devenir compliqué à gérer. Hein. Bon, merci à tous ceux d'avoir été là, tous les connectés sur Twitter, sur Facebook. Encore ouais. une sacrée soirée avec Mickaël, c'était Juju. Max aussi, du 11, Irène Y, qui dit j'écoute Mickaël sur Fun et demain, direction Salon de Provence, en conduite accompagnée, 5 heures de route. Eh ben, profite-en, hein, mise-toi bien, Max, et rencard demain, on est là-bas aussi, hein, sur Fun, t'inquiète pas. Camille qui dit je vous adore, restez comme ça. Max aussi qui dit merci d'avoir passé Martin Garrix, Mickaël. Je voulais l'entendre, c'est du trop bon son. Oui, c'est vrai, c'est du très bon son malgré que ce soit un peu. Alors ici, c'est beaucoup de boum boum, de temps en temps un petit peu de tchic tchac. Voilà, c'est un peu dommage effectivement. Et puis il y a un message de Nonomaz aussi qui dit vous êtes énorme, je vous écoute tous les soirs. Oh putain le cousin, effectivement. Vous êtes énorme, c'est pour Toff que tu dis ça? Je vois pas pourquoi tu dis ça, j'ai encore perdu du poids. Ah bon? Bah oui. Toff, c'est le seul qui perd du poids mais ouais, ça se voit pas. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il bouffe comme un gros porc. Il bouffe comme un gros porc. Ce qui m'énerve, c'est qu'il arrête pas de bouffer tout le temps. C'est-à-dire que Sandro, elle pense à un Giant qu'elle a pris un kilo. Tu vois, si elle a l'odeur, alors là, c'est mort. C'est encore pire que tout. Parce que Toff court. Mais oui. Oui, il court après le temps, il court après les meufs. Après les meufs, en fait, moi je cours tout le temps, c'est pour ça que je perds du poids. Bah, ça doit peut-être venir de là, effectivement. Ça m'aide un peu. Bah, d'ailleurs, Sandro, toi, demain avec Polo et Toff et tout, là, on va bouffer un quick. Tu viens avec à midi? Bah, non. Bah, pourquoi? Bah, je peux pas. Ah d'accord. Je peux pas manger ça. Ah d'accord. Ah mais okay. Si on va manger ailleurs si vous voulez mais pas là. Ah non mais d'accord, ok, bah tu préfères. Pourtant il y a des salades. Si tu préfères rester c'est avec pas ton bon mec. Les salades, Dieu. Si tu préfères rester avec ton mec. Alors d'accord. Boum. Non mais à ce moment-là je comprends, c'est pas un problème, effectivement. Bon, allez hop, nous on va se retrouver demain à partir de 20h. Donc merci à tous ceux qui étaient connectés ce soir, hein, notamment sur le Facebook. Évidemment, il y avait beaucoup de monde là ce soir, Dimitri notamment, il y avait Dani, Nicolas, Natou, Roman également qui était là, il y avait Colin, il y avait Arnaud, il y avait Véronique, Jeanne, Sarah qui était connectée également. Et puis sur Twitter, hein, Wendy, Let's Be Freaks, un petit peu comme d'habitude. Chris également, Christopher, MH qui était là également, Wendy, qu'est-ce qu'il y avait, Clara bien entendu, il y avait Romain, il y avait Alexis, elles ont parlé qu'elles toutes seules, Wendy et Let's Be Freaks à ces dernières minutes. Mathilde aussi qui était là, Anaïs, etc., etc. Je ne peux évidemment pas tous vous citer. Merci à Romain qui nous souhaite une bonne soirée, à demain très vite. Vous êtes super, merci Brian, Angélique aussi qui dit bonne fin de soirée à vous et vivement demain soir. Et puis Damien qui kiffe le prêtre, continuez comme ça. Eh ben on va essayer de faire ça comme ça effectivement. Dans un instant c'est Party Fun sur Fun Radio. La bonne soirée, bonne nuit à tous. Et rencard demain pour la dernière de la semaine. Ce sera mercredi, bonne soirée tout le monde. Ciao. Tous les soirs, Fun Radio 20h-23h, nos limites. Mickaël sur Fun Radio.